Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour le calendrier des esclavages et des libérations. Alors aujourd'hui, nous verrons ce qui s'est passé le 3, le 4 et le 5 mars. Et puis, une revue de presse et puis des enregistrements. Par exemple, Nicole Belloubet accuse la France insoumise d'opportunisme. Alors ça me fait rigoler à me taper sur les cuisses, moi, Nicole Belloubet qui accuse d'autres, oh là là là, Nicole Belloubet, oh, un jour elle aura le prix Nobel de je ne sais pas quoi, je vous laisse deviner. Alors, mais ça sera pas long, très long, 1 minute 26, décès de Roland Leroy, ancien directeur de l'Humanité, 2 minutes 38. Alors il faut rappeler que Roland Leroy, eh bien contrairement à certains individus de son âge à l'époque ou de son âge à notre époque, maintenant, ou plus âgés, qui sont eux ministres ou chefs d'entreprise ou tout ce que vous voudrez, Roland Leroy, lui, a 14-15 ans, il était dans la résistance. Voilà, il était dans la résistance, Roland Leroy. Alors, moyennant quoi, bien évidemment, il a droit à 7 ou 8 pages complètes dans vos matins, bien entendu, hein. Et non, il a droit à un petit encadré de 4 cm sur 6, environ, en bas de page, dans un coin. Voilà. Hein. Donc, on sait ce que valent nos médias. Nos médias, ils sont à vendre, ils sont vendus, donc il faut pas qu'on les achète. Après ça, eh bien, après la résistance, Roland Leroy, eh bien, Jean Ferrat, Nuit et Brouillard. Et puis, l'histoire de Klaus Barbie, le bourreau de Lyon. Hein, on est toujours dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez remarqué que la période actuelle ressemblait assez fortement à cette période-là. Eh oui, l'histoire, c'est comme une roue. Elle fait un tour, et quand un point a fait le tour, ben, il revient au point de départ. Eh oui. Le média, alors le média, bon, là le média, il y en aura pour 37 minutes, les gilets jaunes et les quartiers. Alors une analyse détaillée, objective, honnête, complète, de la vie des gilets jaunes et des quartiers, et ce qu'il y a en commun entre les deux, hein, bien sûr. Et puis de la musique, il sera question aussi de la Palestine, et puis l'avenir en commun, hein. Voilà, et bien je vous souhaite donc une bonne soirée. Calendrier des esclavages des libérations, le 3 mars. Le 3 mars 1831, en France, les ouvriers de Saint-Étienne attaquent l'usine de Rives pour démolir les nouvelles machines. 1848, Italie, à Milan, la grève des fumeurs provoque un conflit entre le peuple et la police. Cette protestation contre l'administration autrichienne annonce un grand mouvement populaire d'émancipation. 1861, Russie, le tsar Alexandre signe le statut des paysans libérés du servage. L'esclavage est aboli en 1861. Mais la servitude économique va rapidement se substituer à la servitude féodale. Où on en est maintenant en 2019? La servitude économique, bon, on voit bien qu'elle est toujours là. La servitude féodale a apparemment disparu, hein, si on se fie aux apparences, hein. Mais bon, la servitude économique, c'est déjà beaucoup, quand même. 1871, France. La Commune se prépare. Lors de la deuxième rencontre des délégués de la Garde nationale, les représentants de 200 bataillons se fédèrent, d'où le nom de fédérés. Ils votent leur statut. La République est le seul gouvernement possible. La Garde nationale a le droit absolu de nommer ses chefs et de les renvoyer dès qu'ils ont perdu la confiance de ceux qui les ont élus. Toutefois, après une enquête préalable destinée à sauvegarder les droits de la justice. Bien entendu, il ne s'agit pas que le peuple qui a de temps en temps des sautes d'humeur se mette à chasser ses chefs comme ça pour un oui, pour un non, hein, parce qu'il y en a un qui aurait fait une grimace, qui aurait dit un mot de trop. Ah ben non, quand même. Non, non, non, il faut une justice. Voilà. Hein. Alors, 1871, France, la Commune se prépare. Lors de la deuxième rencontre des délégués de la Garde nationale, les représentants de 200 bataillons se fédèrent, d'où le nom de fédérés. Donc, ils votent leur statut. 1903, USA, loi sur l'immigration. Les anarchistes seront refoulés. 1909, France, à Méru, la grève des boutons commence. 1919, Allemagne, les communistes organisent une grève insurrectionnelle à Berlin. Les grévistes réclament la reconnaissance des conseils d'ouvriers et de soldats. La répression sera terrible. Alors je rappelle que si en 1919, les gens un peu nettement, assez nettement, très nettement à gauche avaient bien soutenu les communistes et les socialistes, eh bien Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir quelques années plus tard. Et bien entendu, le peuple allemand n'était peut-être pas suffisamment fort à ce moment-là pour soutenir ce gouvernement de gauche. Peut-être qu'il aurait fallu que la gauche française, que le gouvernement français les soutienne et empêche par conséquent, quelques années plus tard, l'arrivée du fascisme, du nazisme, du militarisme allemand de retour et de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, mais on commandait ses prévoirs, disait l'autre. Hein, oui, bon, ben, on s'est peut-être un peu commandé, mais on ne sait pas trop prévoir. 1921, Russie. Les Izvestia, entre les mains des insurgés de Kronstadt, publient la déclaration suivante. Deux points. Ouvrons les guillemets. Le Parti communiste, maître de l'État, s'est détaché des masses. Il a perdu la confiance de la classe ouvrière. Il ne tient plus aucun compte des revendications ouvrières, car il croit que ses troupes ont pour origine des menées contre-révolutionnaires. Il se trompe profondément. Fermons les guillemets. Là encore, il aurait fallu être vigilant. Les Russes auraient dû être beaucoup plus vigilants. Et puis, peut-être que les peuples voisins auraient dû, eux aussi, faire preuve de vigilance. 1922, Japon. Constitution de la société de nivellement. Suei-sha. Elle a pour objectif de lutter contre les discriminations sociales, notamment vis-à-vis des burakim. On appelle ainsi les habitants de hameaux, descendants des parias de l'époque pré-industrielle et exerçant des métiers jugés impurs, équarisseurs, artisans du cuir. Aujourd'hui, ils sont 3 millions, aujourd'hui en 1922. 1923, Sénégal. Le volontariat pour l'armée française est organisé. Une lettre d'un témoin daté de ce jour raconte comment la maréchaussée cerne les quais de Dakar et fait une rafle des indigènes qui y travaillent. Ils sont amenés en camion. En prison, on leur laisse le temps de réfléchir et de se porter volontaires. 29 d'entre eux sont ainsi proclamés héros de la prochaine guerre, celle qui doit permettre à la France, de récupérer la roue. Eh oui, l'acier à l'époque, la sidérurgie, l'argent, la monnaie, l'industrie, le capital, le capitalisme déjà. 1973, Grèce. Suite à la révolte des étudiants contre la dictature des colonels, les arrestations se poursuivent. 1979, Grande-Bretagne. Sévère défaite des travailleurs et succès conservateurs aux élections législatives. Margaret Thatcher deviendra Premier ministre. 1983, Vatican. La congrégation du clergé rend publique une déclaration qui souligne l'interdiction pour tous les membres du clergé d'adhérer à des associations ou mouvements ayant un caractère politique et de créer des associations de clercs dites professionnelles de type social. Oh là là. 1984, Maroc. Le roi annonce qu'en raison de la sécheresse et des difficultés des paysans, les revenus agricoles seront exonérés d'impôts jusqu'en l'an 2000. Mais il ne fixe pas la date des élections législatives attendues par la classe politique. 4 mars. Le 4 mars de l'an 71 avant Jésus-Christ. En mars, défaite et mort de Spartacus. Cette fois, les légions romaines ont l'avantage sur les esclaves révoltés, acculés dans la presqu'île de Reggio de Calabre. 60 000 esclaves jonchent le terrain. Mais l'exemple de Spartacus restera lié à toute révolte d'esclaves et à tout mouvement social à Rome et ailleurs. 1848, France. La liberté de presse et la liberté de réunion sont accordées. L'esclavage rétabli dans les colonies par Bonaparte est aboli. L'achat ou la possession d'esclaves est interdit à tout Français sous peine d'être exclu de la nationalité française. 1857, Belgique. Les tisserands de gants s'organisent en syndicats. Leur statut syndical est le premier connu dans le pays. 1861, USA. Abraham Lincoln, nouveau président, déclare « Ce pays appartient aux hommes qui l'habitent ». 2 ans plus tard, l'esclavage sera supprimé. 1963, France. Après avoir laissé 3 jours de défoulement aux mineurs, le gouvernement les réquisitionne. Mais personne n'obéit. Le mouvement se renforce. L'opinion est mobilisée. Les collectes pour les grévistes se multiplient à travers le pays. Ça, je m'en souviens. 1979, Corée du Sud. L'ancien président Yoon Po-sun et le meneur de l'opposition Kim Dae-jung annoncent la formation d'une alliance nationale pour la démocratie et l'union nationale en Corée. 1980, Malaisie. Te Cheng Po, menuisier, 31 ans, est pendu. Il avait été inculpé puis condamné à mort par la haute cour pour détention d'un pistolet de fabrication artisanale et de 5 cartouches. 1983, France. À Carmaux, ville de Jean Jaurès, c'est la joie dans l'ancienne verrerie devenue salle des fêtes. Les mineurs ont obtenu des concessions importantes concernant l'embauche. Le travail peut reprendre. 1983, Nicaragua. Événement exceptionnel mais significatif. Le sermon de Jean-Paul II lors de la messe sur la place du 19 juillet est interrompu maintes fois par des cris « Nous voulons la paix ». Ceci dans un pays attaqué indirectement par les États-Unis. Tiens, des pays attaqués par les États-Unis ? Oh ! Les mères des soldats tués quelques jours auparavant n'obtiennent pas de prière pour les enfants martyrs. Eh oui, l'Église, les églises, les religions n'en sont pas une trahison près, voyons. Les religions sont faites pour trahir. 1983, pour asservir. 1983, URSS, à Kiev. La poétesse ukrainienne Irina Rutashinskaya est condamnée à 12 ans de détention pour agitation et propagande antisoviétique dans 110 de ses poèmes. Thank you. 1381, en France, affranchissement de Lucie, esclave tartare. Elle avait vécu 13 ans avec son maître, le cultivateur Jacques Baudry, qui a eu d'elle plusieurs enfants. Le 22 février, il la revend à un catalan d'Alghero en Sardaigne. C'est peut-être devenu conscient de l'acte odieux qu'il venait d'accomplir qu'il décide d'affranchir l'esclave dont il n'était plus le propriétaire. 1848, Italie. Proclamation d'une constitution à Turin. 1870, Pologne. À Zabochk, petite bourgade près de l'ancienne frontière russe, naissance de Rosa Luxembourg, figure importante et originale du mouvement ouvrier et socialiste européen. C'était une pacifiste très efficace en Allemagne. Pas suffisamment, puisqu'elle n'a pas pu empêcher la guerre. Pas plus que Jaurès en France. 1877, Russie. Procès des 50. Discours de Piotr Alexeïev, ouvrier tisserand révolutionnaire. 1921, France. Loi sur les assurances sociales. Le travailleur doit être mis à l'abri des besoins provoqués par la maladie, l'invalidité et la vieillesse. 1926, Japon. Formation du Parti des ouvriers et des paysans. Alors en japonais, c'est Rodo no Minto. Ouais, oui. 1931, Inde. Gandhi, libéré de prison en janvier, et le vice-roi Lord Irvine signe le pacte de Delhi. Il prévoit la fin de la campagne de désobéissance civique en échange de l'amnistie des prisonniers nationalistes. 1933, Allemagne. Succès électoral de Hitler. Il obtient 44% des voix grâce à une campagne financée par les magnats de l'industrie. Favorisé par la violence des SA, Sturmabteilung, et l'attribution de l'incendie du Reichstag au Parti communiste. 1933, nous sommes en 2019, il y avait en Allemagne, en 1933, il y avait 6 millions de chômeurs pour une population de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire 10%, et il y a en France, en 2019, 6 millions de chômeurs pour une population de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire 10%. Voilà. 1934, France. Suite à la montée du fascisme, un comité de vigilance antifasciste est fondé. Il est présidé par un communiste, un socialiste et un radical. 1943, Grèce. Après une longue grève, la population manifeste en masse contre le travail obligatoire en Allemagne. Tiens, travail obligatoire en Allemagne. 1943-2019, on vient de signer, on, hein, je vous laisse deviner qui, ça rime avec on, justement, Macron, un accord avec l'Allemagne où il est constamment question en filigrane de, quasiment de la suprématie de l'Allemagne sur l'Europe, hein, oui, sur l'économie française en tout cas, et puis sur la défense, sur la politique française, de manière indirecte, oui. 1943, Italie, ce vendredi à 5h du matin, c'est Fiat Mirafiori à Turin. Les usines cessent le travail pour une indemnité de vie chère. Le signal de la grève est donné. 1950, France, fondation de l'Action catholique ouvrière. 1953, URSS, mort de Staline. Les gens du peuple sont consternés. D'autres chuchotent. Si on n'avait pas mis en prison ses meilleurs médecins, ils l'auraient sauvé. Eh oui, à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui croyaient à Staline. Ils croyaient qu'il était... Eh oui, il avait été utile à sa manière, mais voilà. Il n'y avait pas que du positif. Pas que du positif. Largement pas. 1955, Afrique du Sud. La première coordination syndicale non-raciale, la SACTU, South African Congress of Trade Union, est constituée. 1960, Suisse, droit de vote pour les femmes dans le canton de Genève, en 1960. Et les femmes ont eu le droit de vote en Turquie en 1920. En France, ça a été en 1944. Eh bien, en Suisse, c'est en 1960. Ah! La Suisse, elle est très en avance pour la fraude fiscale, pour les comptes bancaires à numéro à destination des fraudeurs étrangers qui viennent planquer leur fric sur les comptes suisses. Eh oui, ben oui. Mais pour le droit de vote, il a fallu attendre 1960 pour que les femmes aient le droit de vote. Ah ben oui. 1978, USA. Les 160 000 mineurs des charbonnages des Appalaches, en grève depuis 3 mois, votent à la majorité des 2/3 contre la convention collective conclue entre leur propre syndicat et l'association des producteurs de charbon. Ce qui est en jeu, c'est la clause qui autorise les employeurs à intervenir contre les grèves sauvages, ainsi que la remise en cause des acquis dans le domaine de la santé. En passant, comme ça tient, ne tire pas ton épée pour tuer une mouche. C'est un proverbe coréen. Ne tire pas ton épée pour tuer une mouche. La Commune de Paris, 1871. Le 12/7/1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Les défaites françaises vont se succéder rapidement. Ah oui, parce que Napoléon III, il portait le même prénom que son oncle, mais voilà, il se prenait pour un génie militaire. Eh ben, ce qu'il était sûrement pas. Hein. On l'appelait son évidence. Allez savoir pourquoi. Je crois que c'est une affaire vestimentaire. La coupe des vêtements était telle que, voilà, c'était son évidence. Le 2/9/1870, après la bataille de Sedan, Napoléon III est prisonnier. L'Empire s'effondre, mais la guerre continue. Le 4/9/1870, à Paris, sous la poussée populaire, la République est proclamée. Elle décevra très vite le peuple parisien. Bah oui, c'était une République bourgeoise, complètement réactionnaire, rétrograde. Deux pouvoirs vont se faire face. D'une part, le gouvernement de la République, auquel participent les bourreaux de 1848. Thiers y jouera un rôle prépondérant. Thiers, il a beaucoup de rues Thiers un peu partout en France. Si les républicains étaient vraiment républicains en France, même sans être de gauche, simplement républicains, eh bien, ils débaptiseraient ces rues-là. Thiers y jouera un rôle prépondérant. Ce gouvernement doit en principe continuer la guerre, mais il traitera avec les Prussiens, il signera l'armistice. Eh oui, comme Pétain. D'autre part, les forces révolutionnaires qui s'organisent à la capitale et aussi dans d'autres villes, elles constituent la Commune. Ces hommes et ces femmes veulent continuer la guerre contre les Prussiens. Mais 19/9/1870, les Prussiens assiègent Paris. Un hiver terrible s'annonce. 28/1/1871, le gouvernement réfugié à Bordeaux signe l'armistice. 1/3/1871, les Prussiens entrent à Paris pour une journée et défilent sur les Champs-Élysées. L'Alsace-Moselle devient allemande. Le 18/3/1871, Thiers veut reprendre les canons que les Parisiens avaient transportés dans les quartiers populaires de Montmartre. Le peuple s'y oppose. Devant la puissance du pouvoir, Thiers et son équipe se réfugient à Versailles. Le 19/3/1871, pendant qu'à Paris la Commune se met en place, à Versailles, Thiers prépare la répression. Il utilisera contre les communards les prisonniers libérés par les Prussiens. Le 21/5/1871, début de la semaine sanglante, les Versaillais entrent dans la capitale. Pendant une semaine, Paris est à feu et à sang. La Commune est écrasée. 29-5-1871, après la répression militaire, la répression légale se déchaîne. Procès, exécution, condamnation, déportation au bagne de la Nouvelle-Calédonie. Le 11-7-1880, amnistie pour les communards. Les survivants du bagne peuvent rentrer au pays. Le groupe La France Insoumise a donc choisi d'inscrire à l'ordre du jour de votre Assemblée une proposition de loi constitutionnelle déposée en application de l'article 89 de la Constitution. Monsieur le rapporteur Lachaud vient de vous présenter l'économie de ce texte qui, évidemment, ne doit rien au hasard. Le dépôt de cette proposition de loi visant à instaurer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne date en effet du 8 janvier dernier. Et cette initiative répond clairement, je le crois, à une opportunité politique à un moment où la France connaît une crise à la fois aiguë et profonde qui nous oblige à réfléchir ensemble à l'avenir de notre pays. Nous discutons aujourd'hui de la proposition de loi constitutionnelle de nos collègues de la France Insoumise visant à introduire le référendum d'initiative citoyenne. Tout d'abord et en préalable à mon propos, je souhaiterais souligner la cohérence, la continuité intellectuelle de nos collègues de la France Insoumise. Cette proposition, en effet, figurait déjà au programme du candidat Jean-Luc Mélenchon en 2012, puis encore en 2017, et ainsi, nul ne peut dresser ici à nos amis de la France Insoumise, un procès en opportunisme. Il fut un homme de combat et de conviction, une figure marquante de la vie politique normande et française. Né en 1926 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Roland Leroy commence à écrire sa propre histoire pendant l'occupation. Alors cheminot communiste, il s'engage dans la résistance. Il a alors 15 ans. Je participais au sabotage du chemin de fer, des voies, des cimaux, etc., etc. Je faisais s'égarer des trains, des wagons, changer les étiquettes, je foutais le bordel dans la circulation des marchandises, quoi. Après la libération, Roland Leroy poursuit ses activités à la SNCF et en parallèle, son engagement auprès des communistes. Il gravit progressivement les échelons du PCF. Il sera ainsi élu député à plusieurs reprises jusque dans les années 80. Alors jeune militant, Hubert Vulfranc se souvient d'un homme dont l'ancrage local ne s'est jamais démenti. Un député communiste qui avait été également conseiller municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray. Puis, chemin faisant, les enjeux de lutte sur cette circonscription, toujours, l'épisode Chapelle d'Arblay, entre 80 et 83, des épisodes plus en liaison avec la culture, parce que c'était un homme de profonde culture. Ami du poète Louis Aragon, Roland Leroy fut responsable de la culture et des intellectuels pour le PCF. En 1974, il devient directeur du journal L'Humanité. Il occupera cette fonction pendant 20 ans. Polémiste charismatique et débatteur de talent, il suscitait le respect de ses adversaires politiques. Je l'ai bien connu à la fois comme parlementaire, nous avons siégé ensemble à l'Assemblée nationale, au Conseil régional de Haute-Normandie à l'époque. Encore une fois, nous sommes quelquefois bagarrés, mais nous avions aussi une certaine complicité. J'avais de l'amitié pour lui. Pendant des décennies, il a accompagné l'évolution de la pensée communiste.

Mai 40, il est nommé à la section des affaires juives aux Pays-Bas, La Haye, puis Amsterdam. Novembre 42, il prend la tête de la Gestapo lyonnaise et entreprend immédiatement la chasse aux résistants. 6 mois après, il arrête Jean Moulin. Ici, dans les caves de l'école de santé militaire, les locaux de la Gestapo lyonnaise, plus de 14 000 hommes, femmes et enfants passèrent entre ses mains. Il est responsable de la mort de plus de 4 000 personnes, de la déportation de 7 500 juifs. Août 45, la guerre se termine. Certains chefs nazis seront jugés à Nuremberg, d'autres sentiront beaucoup mieux. C'est le cas de Barbie. Interné par les Américains en 1946, il reprend du service chez eux et met rapidement ses compétences à la disposition de leurs services secrets. En 1948, M. Dabringhaus travaillait pour le CIC, la CIA de l'époque, à Augsbourg. Barbie était sous ses ordres. En prenant bien 6 mois, j'ai vécu presque avec lui. Et pour obtenir quel genre de renseignement? N'importe quel genre de renseignement. Il avait... Il s'est présenté à une supérieure à moi comme un agent allemand pendant la guerre et il se vantait d'être le meilleur agent de l'intelligence de l'armée allemande. Il faut attendre 1950 pour que les Américains reconnaissent enfin que l'ancien responsable de la police allemande se trouve bien sous leur contrôle. Il bénéficie encore de la protection américaine jusqu'en 1951. Rapports, démarches, interventions diplomatiques... Les demandes françaises se heurtent à une fin de non-recevoir. Les Américains refusent de livrer Barbie. Mais un mandat d'arrêt lancé contre lui, Barbie devient compromettant. Mars 51, grâce à un document fourni par les autorités américaines, il obtient un titre de voyage de la Croix-Rouge. Il quitte alors l'Europe pour se réfugier, comme beaucoup d'anciens nazis, en Amérique du Sud. On n'entendra plus parler de lui pendant 20 ans. Installé en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann, naturalisé en 57, Barbie devient homme d'affaires à La Paz, officiellement du moins. En fait, il n'a pas vraiment abandonné son ancien métier. Pendant 30 ans, les régimes militaires boliviens vont utiliser les talents de cet expert en matière de répression et de torture. Trafic d'armes, trafic de cocaïne, organisation de groupes paramilitaires, il bénéficie de la protection directe des milieux dirigeants. À 2 reprises, en 52 et en 54, la France le condamne à mort par contumace pour crime de guerre. 1971, Bette Klarsfeld retrouve sa trace. La France demande alors son extradition, refus de la Cour suprême bolivienne en 74. Barbie peut continuer à s'afficher en toute impunité. Rien ni personne, semble-t-il, ne peut l'atteindre. Le 20 juillet 1982... l'honorable Klaus Altmann parade encore au palais de la présidence à La Paz. Un général vient d'en remplacer un autre. Apparemment, rien n'a changé. En fait, les militaires sont à bout de souffle. Incapables de résoudre les problèmes économiques qui s'accumulent, ils n'ont plus qu'une idée, rendre le pouvoir aux civils. Entre-temps, en France, une information judiciaire a été ouverte à Lyon en février 1982. Elle conduira le juge Christian Ries a délivré un mandat d'arrêt le 3 novembre suivant. À peine un mois plus tôt, le 10 octobre, en Bolivie, Herman Siles Zoiseau, leader d'une coalition de gauche, est devenu président de la République. Activé par Maître Serge Klarsfeld et par Régis Debray, des tractations s'engagent alors entre la France et la Bolivie. Le nouveau régime de La Paz veut faire un geste symbolique, marquant bien sa rupture avec les dictatures qui l'ont précédé. Il a donc décidé de livrer Klaus Altmann à la France. Le 25 janvier, enfin, le criminel nazi est arrêté pour une banale affaire de carambouille. Étant donné ses nombreux trafics, il n'y avait que l'embarras du choix. Dans sa prison, Klaus Altmann Barbie ne s'inquiète pas encore. La colonie allemande de Bolivie se mobilise pour réunir rapidement la caution de 10 000 dollars exigée pour sa libération. Malheureusement pour Klaus Altmann, entre-temps, les tractations entre la France et la Bolivie ont abouti. Altmann ne sera pas extradé, il n'y a pas de convention entre les deux pays. Mais on a trouvé une autre solution. Le 4 février, alors même que les 10 000 dollars de la caution viennent d'être versés, le ministre de l'Intérieur, Mario Roncal, signe l'arrêt d'expulsion de ce citoyen, je cite, « étranger sans document d'identité ». Une expulsion quelque peu orientée, puisque Klaus Altmann, redevenu enfin officiellement Klaus Barbie, se retrouve dans un Hercule de l'armée bolivienne, direction la Guyane française. Là, il est pris en charge par des policiers français et embarqué dans un DC-8. C'est alors seulement qu'il apprend sa véritable destination, la France, et non l'Allemagne fédérale comme il l'espérait. Il sait maintenant qu'il ne sera plus jamais un homme libre. À 20h, le 5 février 83, l'avion atterrit à la base militaire d'Orange et Klaus Barbie est immédiatement transféré à Lyon par hélicoptère. 22h30, d'importantes forces de police entourent la prison militaire de Montluc. Plusieurs fourgons s'engouffrent dans la cour intérieure. Le portail se referme sur le chef de la Gestapo lyonnaise, à l'endroit même où, 40 ans plus tôt, il entassait ses victimes. Dès le lendemain, le retour de Barbie fait la une des journaux. Des événements, des noms, des dates réapparaissent, que l'on avait un peu oubliés. Ressurgissent alors les grandes heures de la résistance, mais aussi les mensonges et les trahisons d'une époque troublée. Le débat est aussitôt ouvert. Faut-il ou non sortir les dossiers ? Pour certains, le procès Barbie peut permettre de mieux comprendre cet épisode de notre histoire. D'autres craignent qu'il ne ranime des querelles enfouies et inutiles. Je crois que ce qui serait terrible, c'est d'en faire une affaire française, avec l'occasion de rechercher des histoires qui, elles, sont normalement prescrites, et de remuer des événements qui ne s'intègrent pas dans cette affaire-là, ou qui s'y intègrent, bien sûr, mais de façon tout à fait annexe. L'histoire ne se limite pas au grand problème du nazisme, que nous avons notre histoire nationale, et qu'il n'y a aucune raison pour que ce procès, si c'est possible, ne contribue pas à mieux éclairer les Français sur leur histoire nationale. Ça, alors, c'est un premier point. À votre avis, M. Noguer, est-ce que cela sera inévitable ou bien est-ce que c'est même souhaitable ? Ne donner à l'événement que la moitié de sa signification si on s'interdisait d'évoquer à l'instruction et au procès les problèmes, tous les problèmes qui se réfèrent aux activités de Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, de 42 à 44. Certains le craignent, d'autres le souhaitent, mais la plupart des Français se posent la question au lendemain de la capture de Klaus Barbie. Va-t-on enfin laver en public le linge sale des années noires ? Et surtout, va-t-on connaître enfin toute la vérité sur la grande affaire, encore en partie mystérieuse, l'arrestation par Barbie à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, le 21 juin 1943, de Jean Moulin, héros légendaire de la résistance française. Jean Moulin était un préfet, il avait été chef de cabinet de Pierre Cotte, il avait eu une attitude exemplaire au moment de la guerre d'Espagne. Tout cela était difficilement admis. Et dans la résistance, en tant que fédérateur, avait obligé un certain nombre de dirigeants, aussi bien d'ailleurs en France qu'à Londres, à admettre autour de la table du Conseil national de la résistance les représentants des partis politiques. Mais c'était beaucoup plus que le symbole de la résistance. Voyez-vous, Jean Moulin était représentatif de la République et du Front populaire. Homme de gauche, grand commis de l'État, homme de confiance du général de Gaulle, Jean Moulin était fait pour cette mission à laquelle il s'est attelé depuis 18 mois. Rassembler les grands courants de la résistance, y compris les communistes, sous la bannière du Conseil national de la résistance qu'il préside. À la direction de l'armée secrète, placée directement sous son autorité, les représentants de Libération et de Franc-Tireur le soutiennent. Mais les amis d'Henri Freinet, le fondateur de Combat, contestent ses orientations. Le 9 juin, à Paris, le chef d'état-major de l'armée secrète, le général de Lestrin, est tombé aux mains de la Gestapo. Les arrestations se multiplient. Il est urgent de provoquer une réunion au sommet de l'organisation. Elle est fixée au 21 juin à 14h chez le docteur Dugoujon, place Castellane à Caluire. 7 hommes sont convoqués en dehors de Jean Moulin. Le colonel Lacaze, patriote, père tranquille, nouveau venu à l'état-major de l'AS. Bruno Lara, jeune combattant venu de Londres avec Jean Moulin. Raymond Aubrac, chef des groupes paramilitaires du mouvement Libération, proche de Jean Moulin. André Lassagne, un professeur lyonnais, organisateur de la réunion. Henri Aubry, porte-parole d'Henri Freinet à l'état-major de l'AS et souvent en désaccord avec Jean Moulin. Le colonel Schwarzfeld, fondateur de France d'abord, rallié à l'AS. Et enfin, Claude Bouchinet-Sérol, venu de Londres quelques jours plus tôt pour seconder Jean Moulin et qui aura la chance de manquer le rendez-vous. C'est vrai, je n'étais pas au rendez-vous parce que j'étais arrivé depuis peu à Lyon. Je connaissais très mal la topographie de la ville et je me suis trompé de funiculaire. Cette réunion que vous avez manquée s'annonçait-elle difficile pour Jean? Alors, le problème pour Moulin, à partir du moment où il apprend qu'à Paris, de Lestrin vient d'être arrêté. Son organisation militaire est décapitée. Il n'a plus, il n'a plus personne pour diriger, coordonner cette action militaire. Il fallait donc colmater la brèche et trouver quelqu'un qui assure un intérim. Et l'objet de cette réunion, qui groupait les principaux responsables des mouvements de résistance dans le domaine militaire, était de préparer les voies à la désignation d'un intérimaire. Trois hommes connaissent le lieu de rendez-vous. Jean Moulin, qui doit amener avec lui Aubrac et Schwarzfeld, Lara, qui doit prévenir Lacaze, et Lassagne, chargé de réceptionner Aubry au terminus du funiculaire de la Croix-Paquet. En fait, à la grande surprise de Lassagne, Aubry n'arrive pas seul. Avec lui, René Hardy, responsable des sabotages sur le réseau de chemin de fer, lui aussi proche d'Henri Freinet. Aubry l'a amené avec lui de son propre chef, pour l'aider à tenir tête à Jean Moulin. Aubry qui a rencontré Jean Moulin le matin même, sans le prévenir de cette initiative. Aubry qui accumule les imprudences. La veille, en effet, à l'occasion d'un rendez-vous avec le même René Hardy au Pont Morand, il a remarqué la présence suspecte d'un inconnu se dissimulant derrière son journal et assis sur un banc aux côtés de Hardy. Cet homme, Hardy le connaît bien, c'est Klaus Barbie. Comme il le reconnaîtra lui-même au cours de son second procès en 1950, alors qu'il avait menti au cours du premier en 1947, Hardy a été arrêté quelques jours plus tôt par la Gestapo. Après une dizaine d'heures d'interrogatoire, Barbie a obtenu de lui une promesse de collaboration et l'a libéré. Presque tout de suite, Hardy a repris ses activités dans la résistance sans prévenir ses camarades. Si vous aviez su à l'époque que René Hardy avait été arrêté quelques jours plus tôt par Barbie sans en prévenir ses camarades et ses chefs, comment auriez-vous réagi? La règle draconienne, atroce, cruelle, mais impossible à écarter, c'était d'abattre cet homme. 21 juin, 14h45 environ. Les derniers arrivés au rendez-vous de Caluire, Moulin, Aubrac et Schwarzfeld viennent à peine d'être introduits dans la salle d'attente du docteur Dugoujon. Les cinq autres attendent dans la salle du premier étage depuis trois quarts d'heure. Tout à coup, les tractions de la Gestapo s'arrêtent devant la villa. À la tête du commando, Klaus Barbie. Police allemande. Vous avez une réunion chez vous, je leur ai dit non, mais ils m'ont pas cru, c'est dommage. S'ils m'avaient cru, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Alors, sans tellement de bruit, ils sont entrés dans le petit salon et par la porte-fenêtre, que vous verrez. Puis, au premier étage, alors là, ça a été le remue-ménage des cris, des bruits de faits, de hurlements, etc. Voilà. Quand ils sont sortis, un seul homme n'avait pas de menottes. Oui, ah ben ça c'est Hardy, ça c'est une autre chose. Alors, Hardy, coupable ou non coupable? Par deux fois, en 1947 puis en 1950, il sera acquitté au bénéfice du doute. Il s'agit donc de choses jugées. Mais tout de même, quelle facilité à échapper aux griffes de la police la plus féroce qui soit. Et puis, il y a la troublante question des menottes. À Caluire, tout le monde est brutalement menotté, les mains derrière le dos. Tout le monde, sauf Hardy. Et comment expliquez-vous que vous n'aviez pas de menottes? Il n'y avait peut-être pas assez. Ça arrive, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et vous avez réussi à vous enfuir de quelle façon? Bon, tout simplement au moment de monter dans la voiture. En claquant la portière, le gars était déséquilibré. Il a lâché un bout du cabriolet, moi je suis parti. Alors, il y a quelqu'un qui descendait, j'entends des cris dans l'escalier, puis des coups de feu sur la place. Mais pas su ce qui s'était passé, je ne l'ai pas vu en tout cas. Alors c'est Hardy qui s'est échappé. Dans des conditions, ce serait trop long de raconter ça. On a dit que vous étiez échappé un peu facilement. Ah oui, en effet, j'ai pris une balle dans la peau. Au moment de la fouille, pourtant minutieuse, toujours aussi chanceux, Hardy a réussi, selon ses propres dires, à dissimuler son arme. On le soupçonnera de s'être blessé lui-même. Plus étonnant encore, arrêté et tombé à nouveau dans les mains de Klaus Barbie quelques jours plus tard, il s'échappera une seconde fois. Ses compagnons ont moins de chance. Déjà brutalement malmenés par Barbie chez le docteur du Goujon, à coups de pied de table, ils sont embarqués à l'école de santé militaire, le siège de la Gestapo. La plupart d'entre eux seront horriblement torturés. Mais c'est bien sûr contre Jean Moulin que Barbie s'acharnera le plus sauvagement, sans jamais parvenir à lui arracher la moindre confidence. J'ai vu pour la dernière fois de ma vie Jean Moulin descendre l'escalier. Il était vivant, mais il avait de toute certitude été battu très durement. Il avait le visage en sang, il avait la tête couverte de vilains pansements. Il ne marchait pas, il était porté sous les bras par deux policiers allemands. Et comme il se dirigeait encore vers un interrogatoire, j'ai eu le sentiment que vraiment je le voyais pour la dernière fois. Jean Moulin est-il tombé à cause des imprudences de certains de ses camarades, ou a-t-il été délibérément trahi? Même pour ses compagnons les plus proches, il est bien difficile d'affirmer autre chose qu'une intime conviction. La Gestapo n'est pas venue toute seule au rendez-vous. Ça, c'est une certitude. Et elle n'est pas venue avec 10 voitures, 40 personnes et des moyens considérables. Ça ne peut pas être le hasard. Il y a donc certainement une délation à l'origine. Vous n'avez jamais pu tirer ça au clair par la suite? Jamais. Alors il subsiste un mystère, et je crois que ce mystère ne sera peut-être jamais levé, sûrement pas en tout cas par Barbie, qui est le dernier à pouvoir témoigner sur cette affaire, étant donné qu'il ne défendra jamais que sa cause personnelle et que son intérêt. Il agira pour sa défense et non pas pour projeter la lumière ou la vérité. Ceux qui espéraient que le procès Barbie permettrait enfin de faire la lumière sur toutes ces questions demeurées sans réponse devront en prendre leur parti. Klaus Barbie ne sera jugé que pour ses crimes contre les populations civiles. Le dossier Jean Moulin est définitivement clos. Une liste de 8 chefs d'inculpation a déjà été établie. En bonne place, les événements qui se sont produits ici, à Izieux, un petit village de l'Ain. Le 6 avril 1944, les hommes de Barbie embarquaient dans des camions 55 juifs réfugiés dans le village, dont 52 enfants. Destination, les camps de la mort. Parce qu'ils avaient chargé ça, paraît-il, comme des sacs de pommes de terre, quoi. Ils avaient quel âge, les enfants? Il y en avait de 5 ans à 12 ans, 14 ans, 17 ans, quoi. 17 août 1944, 70 juifs de tous âges sont amenés sur le terrain d'aviation de Bron. Pendant plusieurs heures, ils creusent des fosses. Au soir, ils sont tous fusillés, sur ordre de Barbie. 20 août 1944, Saint-Genis-Laval, près de Lyon. Des juifs, des syndicalistes, des résistants, des otages sont amenés ici en camion. Ils sont exécutés par vagues successives dans un fort désaffecté. Puis, le bâtiment est dynamité. Monsieur Paul Roure avait 14 ans à l'époque. Une fois parti, on est remonté, on est monté avec d'autres gens. Et c'est là qu'on a vu éparpillés, quoi, les débris d'humains, dus par les explosions. Combien étaient-ils? 90, 100, 120? On ne sait pas exactement. Arrestations massives, tortures, déportations, fusillades, la liste est monotone. Elle n'est pas encore définitive. D'autres crimes contre l'humanité, commis ici, à la prison du Fort Montluc ou en d'autres lieux, pourront s'y ajouter au cours de l'instruction. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qu'importe. Résistants, juifs ou otages ont partagé les mêmes souffrances, les mêmes tortures. 40 ans après, ils vont revivre ensemble dans le souvenir des Français d'aujourd'hui. C'est une chose qu'il faut pas oublier parce que, bon, Klaus Barbie a fait souffrir énormément de gens et je pense que des gens comme ça qui ont torturé, bon, ça s'est passé il y a 40 ans, c'est évident, mais on doit se sentir concerné quand même parce que c'est un problème d'humanité et un criminel de guerre comme ça, il faut essayer de pouvoir le punir. Supposer qu'il y a un fou comme Hitler qui a envie de revenir, il faudrait qu'on montre qu'on n'est pas passif et qu'on peut punir, qu'on a les moyens de punir. Donc 40 ans après, on ne doit pas pardonner? Ah non, surtout pas. Thank you. Tout de suite, c'est l'entretien libre d'Aude Lancelin avec Youssef Brakni, militant et membre du comité Vérité pour Adama. Au menu, gilets jaunes et quartiers, qu'ont-ils à se dire? Où en est-on de la mobilisation commune? Et pourquoi toute une fraction de la gauche refuse encore de soutenir les gilets jaunes? Bonne soirée sur le Média. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Média Youssef Brakni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama, créé après la mort d'Adama Traoré, jeune citoyen français noir, tué par des gendarmes le 19 juillet 2016, jour de son anniversaire. Dès le 26 novembre dernier, le comité pour Adama a appelé à soutenir les Gilets jaunes. Un geste politique fort qui a permis à une fraction de la gauche, au départ méfiante, de rallier un mouvement que certains disaient à tort entièrement phagocyté par la droite raciste. Bonsoir, bonsoir. Youssef, merci d'être avec nous aux médias. Merci à vous. Alors comment a été prise la décision de s'engager aussi fortement dans le mouvement des Gilets jaunes au sein du comité pour Adama? Alors nous, au comité Adama, donc comme vous venez de le dire, qui a été créé suite à la mort de Adama Traoré le jour de son anniversaire, ce qui s'est passé, c'est que on est un peu un mouvement à part. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours pris l'habitude de surprendre, d'aller là où on ne nous attend pas. Et d'ailleurs, on l'a fait d'ailleurs auparavant avec le mouvement social. On avait pris la tête du cortège de tête de la marée populaire. À un moment donné, on s'est dit, plutôt que d'attendre à chaque fois, demander auprès de la gauche une considération, une visibilité, etc. Bon, on s'est dit, on va directement se servir. On a été prendre le contrôle de la marée populaire. On a été dans le cortège de tête et on a défilé en tête. Et c'est comme ça qu'on a pu braquer le cortège de tête. Donc là, on s'est dit, on a regardé ce mouvement. Et au départ, c'est clair que, évidemment, on a vu l'image médiatique du mouvement. C'est-à-dire que c'était montré clairement comme quelque chose d'un mouvement d'extrême droite, poujadiste. Voilà, c'est vraiment la France qui sort pour mettre des migrants dehors, etc. On avait vu ce qui s'était passé à Lancourt, etc. On a vu aussi ces choses qui ont été relatées. On voit une femme voilée sortie d'une voiture, une femme noire agressée, des homosexuels agressés, etc. Donc on s'est dit, alors là, c'est quoi ce mouvement? C'est quoi cette image? Et on s'est dit, non, on va pas se laisser avoir, on va pas se laisser emmener par cette image médiatique, et on va aller voir par nous-mêmes. Et en fait, on s'est rendu sur place, quelques-uns d'entre nous, le premier acte, et on a été voir, et en fait, on s'est dit, non, c'est pas ce qui est dit, en fait, c'est pas du tout l'image qui a été construite. Et on s'est dit que non, faut prendre les devants, en fait, et il faut absolument faire cette alliance, faire mouvement en direction des Gilets jaunes, parce qu'en fait, c'est qui les Gilets jaunes? C'est quoi? C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est des gens, j'ai vu des témoignages, mais comment ne pas être touché? Comment ne pas se sentir solidaire? Quand on voit des femmes seules dire qu'à partir du 15 du mois, n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Ça, c'est pas possible, en fait. Comment a-t-on pu arriver là? Et ça nous a touché d'autant plus que nous, habitants des quartiers populaires, on est touchés par ça. On est touché au premier chef par toutes les mesures libérales de Macron, mais aussi de tous les gouvernements précédents, en fait. Et c'est clair que pour nous, il fallait qu'on soit solidaire, il fallait qu'on fasse une sorte d'union des classes populaires par en bas. Et en même temps, on avait aussi un double message. C'était de dire, mais qu'est-ce que vous faites, la gauche? Vous faites quoi, en fait, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous tourner les pouces? Vous êtes en train de regarder ça de loin, avec mépris, etc. Ben, vous comprenez pas que s'il y a aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, c'est votre échec, en fait. C'est parce que vous n'avez pas su organiser les classes populaires, vous n'avez pas su parler, les représenter, parler de leurs problèmes, parler de leurs problèmes quotidiens, quoi, être leur porte-voix, vous présenter comme étant des mouvements progressistes. Mais que faites-vous aujourd'hui pour tous ces pauvres gens? Plutôt que de les mépriser, voilà, on vous propose un cadre. C'est ce qu'on a lancé avec les cheminots de l'Intergare. Donc voilà, cheminots, des mouvements antifascistes, des mouvements de lutte, en fait, hein, comme nous. Et on a dit, venez, on va tous y aller, on va pousser la gauche à prendre ses responsabilités. Et c'était c'est comme ça que ça a démarré le 1er décembre à Saint-Lazare. Votre intervention, Youssef Brakni, c'était Place de la République fin novembre. Et je crois qu'on peut dire que cela a été un des tournants du mouvement, en tout cas pour l'engagement de la gauche. Vous devez tous être là présents massivement, comme vous l'êtes ici ce soir. Et c'est pour cela qu'à partir de toute cette réalité, que nous appelons samedi 1er décembre, avec les cheminots, avec l'action antifasciste Paris-Banlieue, la plateforme militante et d'autres militants, à partir de Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées. On appelle les quartiers populaires, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous suivent, combat pour Adama Traoré, à venir le 1er décembre, à ne pas laisser la place aux fascistes, aux fachos. Le choix de soutenir les Gilets jaunes, a-t-il été contesté par certains de vos proches, par certains de vos alliés habituels au sein des quartiers? Alors, oui, alors c'est sûr. Au départ, les gens nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? mais dans, parmi tous ceux avec qui on avait l'habitude de lutter, etc., tout le monde nous a pris un peu pour des fous. Ils ont dit, mais ça va pas la tête, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous allez vous faire lyncher, il y a l'extrême droite, etc. Et c'est des gens, on leur a dit, mais faites-nous confiance, vous allez voir. En fait, il faut qu'on, déjà, faut qu'on s'investisse. Il faut qu'on fasse le premier pas. Parce qu'on est des mouvements déjà organisés. On a des similitudes sociologiques, etc. J'y reviendrai sur la question sociale, la question économique. Mais à un moment donné, il faut que ce soit nous qui fassions le premier pas. J'aurais dit, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que le mouvement, il est tellement, on va dire, insurrectionnel. Il est tellement en train de tout chambouler que forcément, la répression policière, elle va être à la hauteur. Elle va être terrible. Dès le début, quand on est arrivé, on a dit, c'est sûr que la répression, elle va dépasser tout ce qui a été vu jusqu'à aujourd'hui, plus que le mouvement social, notamment contre la loi travail, qui était déjà très violent et qui a été une prise de conscience pour la gauche déjà à l'époque. Qui à l'époque, il faut se rappeler aussi, la gauche à ce moment-là découvrait les violences policières, en tout cas les classes moyennes. Là, aujourd'hui, on s'est dit, c'est sûr que maintenant, ça va être vraiment cette France périphérique, cette France rurale, cette France abandonnée, etc., qui pouvait parfois aimer la police, qui pouvait parfois avoir un discours bienveillant vis-à-vis d'elle, etc., et qui pouvait même se dire que parfois, ce qui se passait dans les quartiers populaires, c'est quelque part mérité, c'est quelque part légitime. Là, ils vont vraiment comprendre ce qu'est la police, en fait. La police, elle est au service d'un ordre, elle est au service d'un ordre social, en fait. Elle peut pas faire autre chose. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré. Mais en tout cas, on a dit, vous allez voir que la question des violences policières va devenir centrale au sein des mouvements Gilets jaunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à l'acte 12. L'acte 12, c'était une manifestation où on a eu en tête de cortège les défilés, un défilé, des blessés, des mutilés. Donc nous, on avait toute notre place à ce moment-là, du coup. On est venu défiler avec une banderole pour Zineb Redouane, qui est donc une femme de 80 ans, qui est la seule personne décédée suite à l'action de la police dans le cadre des mouvements des Gilets jaunes. Donc, au cours d'une manifestation. Au cours d'une manifestation à Marseille, c'était le 1er décembre, d'ailleurs le premier jour où on appelait à manifester. Sauf qu'elle a manifesté pas. Le président de la République n'a toujours fait aucune allusion à ce décès. Exactement, c'est-à-dire qu'il a même dit le contraire, il a même dit qu'il n'y a aucune personne qui est morte suite à l'action de la police dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Or, cette dame, en plus, ne manifestait même pas. Elle était en train refermer ses volets, parce qu'il y avait du gaz lacrymogène, et ces derniers mots, ça fait peur quand même, ces derniers mots ont été de répéter inlassablement, il m'a visé, comme si elle savait qu'elle allait mourir, et donc elle dit une dernière fois, voilà, c'est lui qui m'a, comme si elle tendait le doigt sur celui qui l'a tué, et c'est quand même, ça fait froid dans le dos quand même, ça fait peur, on en est là aujourd'hui en France, quoi. Et aujourd'hui, on a défilé, donc, du coup, à l'acte 12, avec cette banderole, où on a mis quartier populaire, monde rural, on a mis nos questions qu'on porte au quotidien, la question du racisme, la question des violences policières, qui sont, voilà, la norme dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que ce qui est l'exception dans le cadre d'un mouvement comme ça, où on va dans la rue, où on manifeste, où on est en opposition avec la police, parfois, ça, c'est la norme dans les quartiers populaires. C'est notre quotidien, en fait. Alors, dans quelle revendication des Gilets jaunes vous retrouvez-vous particulièrement en ce moment ? Moi, je pense que cette volonté de reprendre du pouvoir, c'est vraiment ça. Moi, l'impression qui me donne ce mouvement, c'est de dire, à un moment donné, ce système politique, même, on peut dire, de la Ve République, cette démocratie représentative, où, en fait, on délègue son pouvoir à quelqu'un pour parler à notre place, pour aller à l'Assemblée nationale, parler à notre place, soi-disant nous représenter, etc., je pense que c'est arrivé au bout, là. Je pense que les Français n'en veulent plus. En tout cas, les Gilets jaunes, ils n'en veulent plus. Et vraiment, c'est l'idée de reprendre du pouvoir. Et surtout, je pense, quelque part, même localement. Nous, ça nous parle beaucoup, ça. Parce que nous, on porte beaucoup ça, nous, les mouvements des quartiers populaires, on porte beaucoup la question de l'autonomie politique, de parler, d'avoir notre propre parole, et de partir du local, de partir vraiment, c'est-à-dire de là où tu vis, c'est de là où tu vis au quotidien, et de partir de ce lieu-là, qui est familier, etc., et de militer à partir de ce lieu. Et en fait, les Gilets jaunes, bah, finalement, c'est ce qu'ils font aussi. Ils partent des ronds-points, ils partent de là où ils vivent, en fait. Ils vont là où il y a le centre commercial, où ils vont habituellement, ils bloquent. Et ils reprennent du pouvoir, ils reprennent la rue, ils reprennent le contrôle. Ils veulent bloquer l'économie, c'est reprendre quelque part le contrôle sur l'économie, qui leur échappe, etc. Et ça, c'est une revendication dans laquelle on se retrouve. Et évidemment, la question des violences policières. Donc là, je suis très content qu'aujourd'hui se pose enfin la question du LBD 40, que se pose la question des grenades, que se pose la question des violences policières. Mais, en tout cas, il faut bien que nous, on insiste là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de manifester pour être mutilé, pour être éborgné, pour se faire tuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, la BAC, par exemple, qui fait énormément de dégâts dans le cadre des manifestations, qui a un corps d'exception, qui a un corps spécial, qui n'est pas fait pour le maintien de l'ordre. La BAC, c'est du flagrant délit, c'est de l'action. En plus, c'est des gens qui veulent faire ça, c'est des volontaires, c'est vraiment des gens qui sont animés par l'action et j'ai envie de dire même par la castagne. Et la BAC, on le voit vraiment, on le voit sur les images, mais c'est parfois c'est même pas justifié. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait de tirer une femme par les cheveux sur quelques mètres? C'est pas possible, il y a un problème là. C'est ni du maintien de l'ordre, ni de la police, ni rien du tout. C'est juste de la haine en fait, c'est de la violence gratuite. Et ça, c'est des exemples, mais on a vu toutes ces images vraiment affreuses où on voit des policiers de la BAC en civil, on a l'impression qu'on se dit qu'on est en zone de guerre, quoi. Et il faut savoir une chose, c'est que le LBD 40, il est censé être plus précis que le flashball. C'est-à-dire que le LBD 40, c'est une amélioration du flashball. Donc à l'époque, on se souvient, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait ramené pour les quartiers populaires. Il est censé, diminuer les risques de, normalement, de tirer à la tête, ou de faire mal, ou de tuer. Bah, en fait, du coup, ça veut dire qu'en fait, ils ont entre leurs mains une arme qui est plus précise, et pourtant, on voit qu'il y a une explosion des blessés au village. Donc ça pose question, quand même. Sur l'utilisation qui est faite du LBD 40 et surtout, je pense, sur les consignes qui ont été données. Sur les ordres. Sur les ordres, clairement. Moi, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Moi, je pense qu'il y a une politique de la terreur. Moi, je pense que même, je vais même aller encore plus loin, c'est que quand on a vu le mouvement lycéen qui a démarré, en fait, c'était des lycées de banlieue, en fait, c'était les quartiers populaires. Et les quartiers populaires sont rentrés dans le mouvement, en fait. On n'aurait pas de dire où sont les quartiers populaires, où sont les quartiers populaires. Mais ils sont rentrés déjà rien que ne serait-ce que via les lycéens. Ils sont rentrés massivement. On a vu tous les lycées de banlieue qui ont été bloqués. D'ailleurs, vos reporters du Média ont été faire un sujet à Aubervilliers, il me semble, ou à Pantin, où on voit des lycéens témoigner à la caméra du Média, dire « Nous, on est avec les gilets jaunes, nous, on veut Macron démission, etc. » C'est disponible pour tout le monde, allez voir sur YouTube. Et on les a vus. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il y a eu une volonté tout de suite de terroriser les lycéens. Mais attendez, quand même, il y a quand même un lycéen à Garches qui n'a plus de jus aujourd'hui. Là, on parle d'enfants, là. On parle de mineurs, quand même, c'est grave. Celui qui lui a fait ça, donc c'est sûrement des policiers de la BAC, ça pourrait être son père. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Et ça, c'est des ordres qui ont été donnés de terroriser pour que les quartiers populaires ne rejoignent pas massivement le mouvement des Gilets jaunes. Imaginez le mouvement avec une arrivée massive des banlieues, des lycéens, des banlieues, etc. Imaginez. C'est vrai que la population française blanche découvre aujourd'hui avec effroi la réalité du maintien de l'ordre telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps dans certains quartiers du pays. Pensez-vous que cette période, quelle que soit son issue, laissera des traces permettant de reconstruire sur des bases plus fraternelles les liens entre cette population et les quartiers populaires ? Moi, je pense que c'est clair qu'il y aura un précédent. C'est évident qu'aujourd'hui, la question des violences policières ne se posera plus jamais pareil. Encore une fois, comme j'ai dit, comme il y a eu un précédent avec la loi travail, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun mouvement de gauche, aucune conférence qui peut se faire sans aborder la question des violences policières et sans surtout y inviter les quartiers populaires. En tout cas, des militants qui y militent. Aujourd'hui, il est évident que pour nous, voilà, après, on savait que c'était inéluctable. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit, attention, tout ce qui se fait dans les quartiers populaires sera appliqué après au reste de la société. C'était vrai pour l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est quand même 3000 familles musulmanes qui ont été perquisitionnées sur des délations, sur rien, sur aucune preuve, juste sur décision du préfet. On se retrouve avec le GIGN dans son salon, la porte défoncée, enfants traumatisés, humiliés, etc. C'est ça l'état d'urgence quand même. Ça a été ça. Ça a été sous un gouvernement de gauche pour aboutir à absolument quasiment aucune condamnation. Je crois que c'est même pas 0,3% des perquisitions qui ont abouti à une condamnation. À cette époque-là, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? L'état d'urgence est rentré dans la loi. Qu'est-ce qu'on voit? On a vu pendant la COP21 des militants écologistes être assignés à résidence. Aujourd'hui, la question des violences policières, des blindés, par exemple, les blindés bleus qu'on a vus dans les rues de Paris, ils étaient en 2005 dans les quartiers populaires. Ils y étaient. La question des hélicoptères, on n'arrête pas de voir des hélicoptères dans Paris comme si on était en terrain de guerre. Mais ça, c'était aussi largement utilisé, mais en pleine nuit, à 5h du matin, 3h du matin, au-dessus des immeubles, des enfants qui n'arrivent pas à dormir toute la nuit. C'est ça la réalité des quartiers populaires. Enfin, c'est la guerre, en fait. C'est vraiment du maintien de l'ordre puissance 10. Et là, il y a eu un avant-goût en fait de ce qui peut se passer dans les rues de Paris en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la face du monde, même j'ai envie de dire, on a vu la réalité de la police française. Et du coup, c'est clair qu'on se sent moins seul. Et c'est clair que là, on se dit, voilà, bah, en tout cas, tout ce qu'on a porté pendant toutes ces années, ça commence à payer. Du coup, nous, on peut apporter une expertise, on va apporter notre expérience, notamment par exemple sur les questions liées à la justice, parce que là, il y a tout un travail à faire au niveau de la justice, parce que maintenant, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a des recours qui ont été faits, etc. Et surtout, moi, j'insiste pour dire que par exemple, quand on demande l'interdiction du LBD 40, mais quand j'ai vu des organisations des droits de l'homme, etc., demander le LBD 40, l'interdiction qu'en manifestation, quand même, c'est pas possible. C'est juste pas possible, un peu de respect. Moi, je pense à Madame Kébé. Je pense à Madame Kébé, cette femme qui est descendue en bas de chez elle. Donc, c'est une affaire qui a été médiatisée, où les policiers ont été acquittés. Il y a eu un procès où elle s'est reçue, elle et son fils, des coups de flashball pour rien du tout. Alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Ils ont porté plainte contre les policiers. Aujourd'hui, ils ont été acquittés. Il y a eu un appel. Même le parquet a fait appel, pour vous dire. Tellement ça a été scandaleux. Mais à un moment donné, demander l'interdiction partout, c'est un minimum. Il faut respecter les gens, en fait. C'est des êtres humains, en fait, aussi, dans les quartiers populaires. Il faut les voir comme tels. Donc, quand on demande l'interdiction du LBD 40 et que je vois le recours au Conseil d'État que dans le cadre des manifestations, c'est juste pas possible. C'est pareil pour les grenades de, des encerclements, etc. Il faut les demander partout, l'interdiction. La BAC, il faut la demander l'interdiction partout. Samedi, j'étais à une marche pour Gay Camara, qui a été tué par des policiers de la BAC. Ils n'avaient absolument rien fait. Ils ont tiré 8 balles en tout sur sa voiture. Mais c'est de l'acharnement. Comment on peut tirer 8 balles sur quelqu'un qui ne représentait aucune menace? Il en a pris une dans la tête. Sur 8 balles. Mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est quoi? On est au Far West? On est où? Voilà, je pense que, à un moment donné, un peu de décence. Et quand on demande des interdictions, etc., qu'on les demande partout. Et nous, c'est notre enjeu aussi. C'est de dire, voilà, on est tous ensemble, mais il faut qu'on se batte tous ensemble pareil aussi, à égalité. Nous, quand on vient dans le mouvement des Gilets jaunes, comme le dit souvent la porte-parole du comité d'Adama, à Traoré, on est Gilets jaunes depuis 40 ans, nous. Donc, vous savez, nous, on a participé à des mouvements un peu à part, comme par exemple celui des grévistes d'Honnête, où on a des femmes noires, dans l'écrasante majorité des cas, qui font du nettoyage industriel pour la SNCF surexploitée, et qui, pendant l'année 2017, ont mené une grève énorme, victorieuse. Et pareil, ça s'est fait sans les grands syndicats, ça s'est fait sans les grands représentants de la gauche, etc. Et c'était des gens comme les Gilets jaunes qui ont voulu reprendre du pouvoir. Ça, c'est très important, cette notion de reprendre le pouvoir, de ne pas demander, de ne pas attendre. Voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait avec le comité Adama, c'est qu'on attend après personne. C'est que si nous on n'y va pas tout seul, si on n'impose pas, si on ne crée pas un rapport de force, personne ne le fera pour nous, en fait. Et c'est ça que je trouve bien, c'est ça que je trouve vraiment intéressant au sein des Gilets jaunes, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'on attend après personne. Vous savez, nous, on est très proche des Gilets jaunes de Rungis, où dès le départ, on a été là-bas quand le blocage s'est lancé. Et c'était incroyable de voir ça, en fait, de voir cette synergie, enfin, ce truc où on a retrouvé des gens des quartiers populaires qui n'avaient jamais milité auparavant et des gens vraiment, voilà, classe populaire blanche, etc., complètement. Qui souvent n'avaient jamais milité non plus. Jamais non plus, pas du tout. Mmh. Et du coup, ils se sont tous retrouvés là. Bah, du coup, certes, il y avait le côté bloquer les camions, mais c'était secondaire limite. C'était vraiment se parler entre nous, se connaître. Voilà, on parlait politique, ce qu'on pensait du pays dans lequel on vit tous. Comment ça se passe, comment c'est fait avoir pendant des années, etc., etc. Et surtout, la moyenne d'âge aussi, il y avait beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, des moins de 40 ans, et qui à un moment donné, ont envie de venir et de se retrouver, en fait, et de faire de la politique ensemble. Et aujourd'hui, ils se lâchent plus, c'est devenu une famille. Et ça c'est vraiment important. Vous évoquiez à l'instant les émeutes de 2005. Mmh. C'est vrai qu'en 2005, les quartiers populaires s'étaient soulevés après la mort de deux adolescents, Ziadé et Bouna. Certains, à l'époque, ont parlé de barbarie, certains ont parlé de pogrom anti-républicain, d'autres, et parfois les mêmes d'ailleurs, de simples feux de poubelle qui auraient été montés en épingle par la gauche, etc. Quelle différence est-ce que vous établissez entre le traitement de ces événements par les médias et leurs intellectuels à l'époque et le traitement actuel réservé aux Gilets jaunes? Alors, ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même quelque chose d'un peu favorable quand même au départ. Parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était un truc inoffensif. C'était quelque chose autour des taxes. Donc on avait bien avant le 24 novembre, je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, prenez BFM TV, c'était Gilets jaunes, Gilets jaunes, Gilets jaunes, tout le temps. D'ailleurs, ça participait à ma méfiance au départ. Je dis, mais pourquoi ils le mettent autant en avant, etc. Mais c'était un mouvement, vous vous souvenez, ça parlait beaucoup des taxes. Et donc, t'avais des petits bandeaux jaunes, etc. Mais dès que le mouvement a commencé à renverser l'ordre établi, en fait, a commencé à se politiser, a commencé à avoir des vraies revendications, notamment sur le partage des richesses, notamment sur l'ISF, ah, là, c'était fini, là. Là, le traitement démocratique. Oui, les revendications démocratiques, le RIC, etc. Tout ce qui est de reprendre, voilà, de faire de la politique, en fait, et de ne plus déléguer son pouvoir à quelqu'un. Toutes ces revendications-là, à un moment donné, voilà, c'est bon, le mouvement des Gilets jaunes a complètement basculé, en fait. Et c'est vrai que la différence avec 2005, c'est que dès le départ, c'était l'ennemi intérieur, en fait, clairement. C'est que c'était la construction de l'ennemi intérieur, la construction des classes dangereuses. C'est, voilà, le gros fantasme est enfin arrivé. Voilà, c'est le truc de les Noirs et les Arabes vont déferler chez nous, vont nous égorger, vont prendre nos femmes, etc. Tout le truc colonial, etc. Et ça a été dès le début. Il n'y a jamais eu de... Même pour Ziadé Bouna, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait toute une suspicion médiatique sur qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous vous en souvenez qu'au début, ils disaient qu'ils avaient volé des objets de chantier quand même. On en était là, deux adolescents, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de leur mort, en fait, ils sont morts électrocutés, comme il n'y a pas pire mort pour des enfants, quoi. Mais c'est ça, en fait, le destin des quartiers populaires. C'est-à-dire que tu peux mourir électrocuté dans l'indifférence générale. Et il y a eu cette explosion de colère que moi, je trouve légitime. Pour moi, c'est une révolte. C'est une révolte, voilà, pour dire qu'on existe, pour dire qu'on ne tue pas des chiens, en fait, qu'on tue des êtres humains, qu'ils ont des noms, des prénoms, qu'ils ont des familles, qu'ils détruisent des familles, et que c'est le quotidien, c'est comme ça. On peut remonter même en 1997, Abdelkader Bouziane, Adamari Lelis, 15 ans, tué d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC déjà à l'époque. Bref, c'est notre quotidien constamment, et même, j'ai envie de dire, tout ce qui a été utilisé comme maintien de l'ordre à l'époque, mais ça a été juste hallucinant. Il y a quand même eu, à un moment donné, il y a eu des drones qui ont été utilisés. Ça c'était Nicolas Sarkozy. C'est ça que nous souvent on dit quand Macron a été élu, on s'est dit mais nous en fait concrètement du point de vue des quartiers populaires, hein, en fait nous il n'y a pas vraiment de différence. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est une continuité pour nous. On ne voit pas de variable. Par contre les classes moyennes blanches, les classes populaires blanches aussi dans une moindre mesure ont pu voir une différence. Et donc c'est le moment de se dire bon on y va tous ensemble. Bah là on peut peut-être y arriver, on peut peut-être renverser l'ordre établi. Et c'est vrai que par exemple, il y a eu une banderole des gilets jaunes de Rungis qui disait novembre 2005 première sommation, novembre 2018 révolution. Et voilà, c'est de connecter la question des révoltes de 2005 aux gilets jaunes et j'ai envie de dire même à tous les grands mouvements de révolte spontanée du peuple dans l'histoire de ce pays. Comme il y en a toujours eu, en fait. Comme il y en a toujours eu. Et c'est vrai que moi, déjà en 2005, même un peu plus tard, on se disait, mais pourquoi les révoltes de 2005 ne rentrent pas dans l'histoire des révoltes sociales qui ont pu se dérouler en France, en fait? Voilà, il y a toujours ce prisme raciste, colonial, qui faisait qu'on était incapable de les voir comme ça. Mais moi, je suis persuadé que dans peut-être 100 ans, 70 ans, on verra cette histoire, parce que c'est très court, 2005, 2019, à l'échelle de l'histoire. On verra ça comme étant des épisodes où, à un moment donné, en France, ça n'allait tellement plus qu'il y avait régulièrement des explosions de violence comme ça, autour où, à un moment donné, on n'arrivait plus, c'était plus contrôlable, en fait. Parce que la police, en fait, elle est là pour maintenir un certain ordre. Et à un moment donné, elle n'y arrive plus. Elle ne fait plus. Là, on le voit aujourd'hui. Moi, quand je vois des charges contre des policiers, je me dis, ah oui, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose quand même, parce que c'est quand même pas évident d'aller charger une ligne de CRS ou de la BAC. C'est que vraiment, là, les gens, moi, je le vois pas comme des gens qui sont assoiffés de violence. Moi, je le vois comme des gens qui n'en peuvent plus, en fait. Ils en sont à un tel point qu'ils ont sauté le verrou de la peur, de la dissuasion, parce que c'est beaucoup de la dissuasion, la police, le maintien de l'ordre, pour charger comme ça une ligne. Et c'est ce qui se passe déjà dans les quartiers populaires. C'est déjà ce qui se passe depuis très longtemps. Et là, je le vois que ça s'étend aussi, ce truc de se dire, on a plus peur. Et on y va. Tant pis, on ira jusqu'au bout. Ce qui a fait très peur au pouvoir aussi, notamment... En décembre, c'est sûr. Les événements à l'Arc de Triomphe, c'était vraiment ça. C'était des charges massives contre les, contre les CRS. Même dans les manifs de gauche... Moi, je n'ai jamais observé. Non. Même dans les manifestations de gauche, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que ces images-là, donc très, voilà, maintenant qu'ils sont devenus célèbres dans le monde entier, sur les Champs-Élysées, là, c'est sûr qu'ils ont tous paniqué. Là, c'est sûr et certain. Je pense que ça a dû appeler de partout. Ça m'étonne pas du tout ce que dit Mediapart, où il vivait dans un bunker à l'Élysée, entouré des gendarmes d'élite avec un hélicoptère. Ça, j'y crois à fond. Parce que ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, là, pendant l'acte 3, l'acte 4, c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, ils vont aller jusqu'à l'Élysée, là. Aujourd'hui encore, il y a tout un arc politique de gauche qui empêche, finalement, les quartiers d'investir vraiment le mouvement. Hein. Je pense aussi bien à une certaine élite universitaire de gauche qui continue à se méfier des gilets jaunes, voire à mépriser les gilets jaunes. Et puis aussi à certains des coloniaux pour qui tout dialogue avec les gilets jaunes est impossible et même coupable à certains égards. Comment s'y prendre? Comment un militant comme vous, vous y prenez pour déjouer justement ces préventions? En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que pour le comité Adama ou pour les gilets jaunes, c'est que pendant très longtemps, que ce soit les quartiers populaires ou les classes populaires blanches, en fait, des intermédiaires en parlent à leur place. Pendant très longtemps, on a mis en place des intermédiaires. On a mis en place des porte-voix, médiatiques notamment, qui parlaient à leur place, qui écrivaient sur eux aussi, qui théorisaient sur eux, et qui en ont même fait un business. Voilà. Que ce soit sur les quartiers populaires, comme sur les classes populaires blanches. Et que ce soit déjà même les réactionnaires qui disaient, partout, comme je sais pas, je pense au Printemps républicain, etc., qui disaient, vous allez voir, à force de parler de certaines minorités, à force de parler de certains problèmes, les Français vont descendre massivement dans la rue et ils vont descendre pour lyncher du noir, de l'arabe, du musulman, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est une défaite cinglante, là. Moi, je pense qu'à leur place, je me tairai à jamais. Certains ont carrément appelé ça l'insécurité culturelle. Vous voyez, les théoriciens politiciens, ce que je dis. En fait, ils théorisent. Laurent Bouvet qui théorise sur ça, enfin, qui pense tenir un truc révolutionnaire, etc., une théorie. Mais non, mais c'est un échec total. Ça marche pas, en fait. C'est même pas. Enfin, c'est-à-dire, c'était même pas envisageable, en fait. Là, les gens s'en sortis massivement. Effectivement, ils s'en sortis. Effectivement, là, à un moment donné, ça n'allait plus. Effectivement, ils ont pris les ronds-points. Ils ont bloqué l'économie. Ils ont été massivement dans la rue. Ils ont tout cassé, etc. Mais c'était pas du tout. Parce qu'il y a trop de Noirs, parce qu'il y a trop d'Arabes, parce qu'il y a des migrants, parce que je ne sais pas quoi. C'est même pas dans les revendications, ça n'apparaît même pas dans les revendications. On le voit à chaque fois, mais les gens, ils veulent juste pouvoir vivre dignement. Ça, il faut le comprendre, en fait. Les gens, en fait, on les attaquait dans leur dignité. Alors nous, c'est le cas depuis 40 ans dans les quartiers populaires, puisqu'en plus, il y a le racisme qui se rajoute à cela. Mais là, les gens, là, ils sont arrivés à un point où ils peuvent plus. Et ce n'est sûrement pas à cause des Noirs et des Arabes. Donc eux, ça a été une défaite. Out. Ensuite, il y a eu tous ceux maintenant plus à gauche, qui, pareil, ont théorisé sur les trucs, sur les quartiers populaires, sur les classes moyennes, sur les classes populaires blanches, etc. Où pendant des années, ils écrivaient des gros livres, des gros pavés, parfois avec des bonnes intentions, etc. Mais qui parlaient à leur place, qui allaient à la télé à leur place, qui étaient dans les colloques universitaires à leur place, etc. Bah ça, en fait, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, les Gilets jaunes n'ont besoin de personne pour parler à leur place. Nous, les quartiers populaires, on a besoin de personne pour parler à notre place. Nous, on a un mouvement de quartier. C'est un mouvement qui s'est ancré avant tout à Beaumont-sur-Oise, dans le 95. On est ancré. Moi, j'habite à Bagnolet. Je suis ancré dans ma ville à Bagnolet. Je milite là où je vis au quotidien, etc. Et en fait, moi, je n'ai besoin de personne pour venir ici aux médias pour parler à ma place. Et pendant longtemps, il y a des gens qui venaient dans les médias pour parler des quartiers populaires. Ils pouvaient être noirs, arabes, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ça faisait des années qu'ils n'y vivaient plus et qu'ils étaient plus dans les couloirs de Paris 7, de Paris 8 ou je ne sais où, ou à Berkeley aux États-Unis, que dans les quartiers populaires. Moi, je ne vais pas rentrer dans le truc où je vais faire le gars terre-terre, etc. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Mais je suis capable de le faire. Pourquoi tu veux parler à ma place? C'est ça la question. Pourquoi tu veux confisquer la parole des premiers concernés? Parce qu'en fait, ça n'arrange personne que des mouvements comme ça renversent l'ordre établi, y compris cet ordre-là. Moi, je pense qu'il y a des intellectuels à gauche, des décoloniaux, qui ont pris l'habitude d'être dans des salons confortables et qui n'ont plus l'habitude de voir des gens parler par eux-mêmes. Pour eux-mêmes, être capable de se défendre, être capable de mener leur lutte aussi. Et donc aujourd'hui, il y a tout un processus d'invisibilisation de nos luttes déjà, c'est-à-dire que ça n'existe pas, y compris le comité Adama. Hein. Pour certains, ça n'existe pas. Ils peuvent faire des textes qui font 40 lignes. À aucun moment, il y a les luttes concrètes des quartiers comme celle du comité Adama. Et de deux, il y a aussi la question par rapport aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais, en fait, là, on fait la preuve que c'est possible, qu'en fait, on peut arriver à créer autre chose, qu'on peut arriver sans se renier. Nous, on garde nos spécificités. Dans l'extrait là qui est de la place de la République avec Lordon et Ruffin, moi je parle de contrôle au faciès, je parle de discrimination raciale, etc. C'est pas à moi qu'on va la faire. Je parle de postcolonialisme, etc. J'explique l'origine, je peux faire ça. Expliquer l'origine d'où vient le racisme, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais on fait la preuve qu'on peut le faire tous ensemble et qu'on peut renverser cet ordre établi là, qu'on peut reprendre le contrôle de nos vies au quotidien, bah en fait c'est fini pour eux, en fait. On les met tous au chômage et on les sort tous du game. C'est fini. C'est ce qui est en train de se passer, en fait. Certains néanmoins, que ce soit du côté des identitaires ou du côté de la dite extrême gauche, enfin des antifas, se disputent quand même sur le terrain le contrôle du mouvement, en tout cas le contrôle des manifestations. On va tout de suite regarder quelques images assez spectaculaires, elles aussi tournées pendant l'acte 13 à Lyon, qui ont vu s'opposer deux catégories de gilets jaunes. Oui, alors je voulais, Youssef Brakni, avoir votre regard sur ces affrontements qui se produisent à un rythme accéléré depuis le début de l'année 2019. Est-ce que c'est un phénomène finalement marginal? Est-ce que ça dit quelque chose? La présence de ces groupes d'extrême droite, alors ça c'est vraiment, c'est l'extrême droite, les images qu'on vient de voir, c'est l'extrême droite vraiment organisée, identitaire. C'est vraiment Lyon, bon c'est un des fiefs de l'extrême droite, voilà, il y a une impunité totale là-bas envers les bars d'extrême droite, envers les rassemblements d'extrême droite, c'est connu, c'est vraiment une des capitales européennes de l'extrême droite organisée, quoi, violente, ce sont des groupes avec composé plutôt de jeunes, d'ailleurs des classes moyennes supérieures, c'est pas du tout des classes populaires, et qui voilà sont dans l'action, quoi. Et donc là concrètement, bah c'était sûr que ça allait arriver au sein du mouvement des Gilets jaunes. Moi, ce que j'en pense, c'est que je pense que des groupes, comme à Paris aussi, il y a le groupe des Zouaves, qui est un groupe clairement d'extrême droite, qui rentre dans un cortège comme celui des Gilets jaunes et qui va taper. Franchement, c'était des profs, en fait, du NPA. C'est pas possible. Je veux dire, on peut pas l'accepter, ça, quand même. Il peut pas rentrer. Il y en a un, il avait un lasso. C'est pas Indiana Jones, là, en fait. Il faut dire, on peut pas venir comme ça, taper tout le monde, etc. C'est pas possible. En plus, ils créent la confusion parce qu'ils mettent un gilet jaune, etc. Eux, justement, ils font partie de ceux qui voudraient que ça soit la question identitaire qui prime. Ils voudraient que le mouvement des gilets jaunes aille dans la direction des migrants. Ils ont fait une tentative avec le pacte de Marrakech. J'ai eu tout un discours complotiste sur le pacte de Marrakech. C'est-à-dire, Macron, il est parti signer, ouais, pour ouvrir le pays, etc. Bon, c'était pas du tout ça. Mais ils veulent emmener le mouvement vers ça. Or, je pense que c'est bien de s'opposer à eux, de ne pas les laisser entrer dans le mouvement, de ne pas les laisser emmener le mouvement dans cette direction-là, surtout que ce n'est pas du tout la ligne majoritaire des Gilets jaunes, surtout que ce sont des groupes, eux, pour le coup, ultra minoritaires, ça se compte 50-60 personnes. Hein. Par exemple, sur Paris, c'est un peu le maximum qu'ils peuvent être. Pendant l'acte 12, j'ai assisté à une scène où ils se sont fait dégager. Donc voilà, ils ont couru assez vite. Donc ils ont fui, quoi. Ils sont partis. Donc ça reste pour moi très marginal, ça reste quelque chose qui... C'est des affrontements entre des groupes qui se connaissent plus ou moins, c'est les antifascistes qui sont habitués, qui les connaissent, qui les repèrent, etc., et qui les expulsent du mouvement. Je peux comprendre que ça puisse effrayer, par contre, que ça puisse faire peur, et qu'on se dise, ah, je vais aller en manifestation, etc., je vais retomber dans une énorme charge du Moyen Âge, quoi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Je sais pas si vous avez été sur Paris, etc. C'est vraiment marginal et c'est en dehors du cortège. Mais moi, je pense que c'est nécessaire d'expulser ces groupes ultra-violents. D'extrême droite. Ouais. Alors, vous le rappeliez au début de notre entretien, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. Il y a eu des actes hostiles à l'égard de migrants, il y a eu des insultes contre des Noirs. Il y a des quenelles oui. Dans le style Dieudonné aussi. Moi, j'en ai personnellement observé à Bourges pendant notre reportage. C'est des événements tout à fait réels, même s'ils demeurent complètement marginaux quand on est habitué au terrain des manifestations des Gilets jaunes. Mais ils sont bien sûr amplement répercutés par les médias pro-gouvernementaux. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux à gauche qui continuent à utiliser ces événements pour dire que, décidément, ils sont rédhibitoires et que on ne peut pas sympathiser avec un mouvement pareil ? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, quand ça fait, on va dire, 40 ans en France, qu'on a la droite, la gauche, qui se sont partagés le pouvoir comme ça et qui n'ont eu de cesse de reprendre à leur compte des idées d'extrême droite, qui ont banalisé les idées d'extrême droite. Quand à un moment donné, t'as une banalisation d'un certain discours, parce que ça faisait le jeu électoral, parce que c'est toujours mieux de se retrouver face à Marine Le Pen au second tour que face à Mélenchon, etc. Ça, on le sait. Voilà, maintenant, je veux dire, c'est plus un secret tous les années. Voilà, maintenant, on sait tous que tout est fait pour qu'on se retrouve plus facilement avec l'extrême droite, parce que c'est plus facile de gagner, au moins depuis Mitterrand, quoi. Maintenant, l'élection présidentielle se joue au premier tour, en fait. Bah oui, au premier tour, c'est clair. C'est paru très clair là aujourd'hui, en 2017. Enfin, moi, c'était évident. Et tout le monde, on l'avait dit déjà avant que ça va finir, Macron, Le Pen, etc., et qu'il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un d'autre, etc. Et on sait tous que, voilà, derrière, bah, du coup, mobilisation et tout. Donc, du coup, pour Macron, voilà. Mais bon, voter Macron en 2017, je pense que c'est voter, du coup, Marine Le Pen en 2020, quoi. Bon, nous, on est militants, donc on va éviter, quoi. On va éviter que ça arrive. Mais bon, en même temps, c'est dans cette direction-là que va le libéralisme. On le voit à Bolsonaro, au Brésil, on le voit avec Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie, etc. Mais la question, c'est que quand on a banalisé ces idées-là, quand on a irrigué toute la société avec ces idées-là, mais à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que du coup, ça ne se répercute pas. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes, il est à l'image de la société française, il est traversé par plein de choses, par plein de contradictions, etc. Mais ça, c'est clair. Mais par contre, il y a une énorme différence quand même. C'est que les Gilets jaunes, effectivement, j'en ai vu des gens qui avaient des discours complotistes, des gens qui avaient des discours pro-Dieudo, etc. Mais c'est super facile à démonter. C'est très facile, ça tient pas la route. Quand par exemple ils disent que Dieudonné est anti-système, quand ils disent que Marine Le Pen elle est anti-système, je veux dire mais c'est très facile à démonter et de prouver par A plus B qu'ils font partie du système, qu'ils arrangent le système en fait, qu'ils n'ont absolument rien d'anti-système, que leur seule haine c'est celle des juifs, celle de l'étranger, du migrant, etc. Et que ça c'est complètement être mainstream en fait. Vous vous rendez pas compte. J'ai dit vous avez écouté Nicolas Sarkozy, vous avez écouté Hollande, vous avez écouté Valls. Mais vous voyez pas que c'est des idées qui sont largement mainstream, qu'elles sont diffusées du matin au soir à la télévision, à la radio, etc. Il y a absolument rien de révolutionnaire, absolument rien de subversif, en fait. Et c'est juste des idiots utiles du système, en fait. Et ils évitent, en plus, qu'on pose les vraies questions de racisme et les vraies questions sociales. Ensuite, la question de la gauche et son rapport toujours aux gilets jaunes et un peu ce mépris. Mais moi, en tant qu'arabe, en tant que musulman, j'ai toujours assisté à des scènes hallucinantes dans, au sein des mouvements de gauche, dans des mouvements de gauche, dans des manifestations de gauche. Moi, je peux vous le dire. Moi, je peux vous le dire que j'ai déjà vu des grands dirigeants de gauche quitter des manifestations pour la Palestine parce qu'ils entendaient des slogans en arabe. J'étais halluciné, j'ai dit non mais je comprends pas, mais ben oui il y a des slogans arabes mais sur la Palestine, mais quand il y a des manifestations, moi j'en ai déjà participé pour le l'Amérique du Sud contre les dictatures etc, c'est normal qu'on chante des slogans en espagnol, hasta la victoria siempre etc, enfin je sais pas, moi ça me gêne pas, mais par exemple j'ai déjà assisté à ça, je me dis mais attendez, c'est humiliant là, ben bien sûr qu'il y a des slogans en arabe, je sais pas, tahia el Palestine, vive la Palestine, ça va, ben non, les gens ils étaient pas contents. Moi j'ai déjà assisté à des cortèges de syndicaux où il faut voir les propos qui sont tenus, etc. J'ai pas besoin d'aller dans les gilets jaunes pour tomber sur de la misogynie, sur du sexisme, sur du racisme, sur de l'homophobie, etc. On le sait tous quand même, on va pas se mentir. Ils le savent très bien, ceux qui disent ça. Ils savent très bien que dans des cortèges de grands syndicats, je vais pas en citer, on sait tous qu'on a entendu des vertes et des pas mûres, y compris dans nos lieux de travail. On le sait tous. On le sait tous, et donc il faut arrêter d'exagérer là autour de la prétendue misogynie, le prétendu racisme des gilets jaunes, etc. En disant oh, j'entends des trucs, bien sûr que j'entends des trucs, mais comme partout en fait. Donc les gilets jaunes, c'est pas des extraterrestres sortis de nulle part. Ils vivent dans une société, ils sont traversés par les contradictions de cette société. Vous êtes frappé par le fait que les gens sont actuellement en mouvement, justement, se déplacent, et que parfois politiquement, des gens qui étaient absolument pas structurés sont en train de construire une vision politique du monde. Ah oui, c'est clair. Non mais moi je vous le dis, moi je suis donc du coup bah d'ailleurs j'en profite pour le dire, on organise un grand meeting avec les gilets jaunes de Rungis le 17 février à 15h à la Bourse du travail de Saint-Denis. On a tenu à le faire dans le 93 sur la question des quartiers populaires, de l'implication et de comment on amplifie l'implication des quartiers populaires au sein des gilets jaunes. Moi quand j'assiste aux AG des gilets jaunes de Rungis, mais je suis impressionné. Mais c'est impressionnant, c'est des gens qui n'ont jamais milité. C'est des gens qui n'ont jamais fait de politique auparavant. Mais ils ont une manière de gérer, de poser les choses. Voilà, ils ne peuvent pas se faire récupérer, personne ne peut parler à leur place. Ils sont très méfiants vis-à-vis des partis, très méfiants vis-à-vis des syndicats. Mais justement, pas avec les gens, pas avec les militants de base, pas avec les syndicalistes de base, jamais. Ils sont acceptés, etc., ils peuvent venir. Il faut voir quand il y a eu le blocage de Rungis, la veillée, juste avant la grève générale. Voilà, ils tiennent à leur autonomie, ils tiennent à leur discours politique, ils tiennent à la façon, à leur récit en fait, à la façon dont ils veulent eux décrire ce qu'ils vivent et comment ils veulent orienter le mouvement, etc. Et c'est impressionnant. Moi, franchement, je suis fasciné. Merci beaucoup, Youssef Brakni. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes membre du comité Vérité et Justice pour Adama, qui est aussi un des combats à mener. Je rappelle aussi à vous tous qui nous regardez que le média vit de votre financement, de vos dons, des financements entièrement citoyens. Aidez-nous à mener le combat pour une information libre. À très bientôt. Que venimos a defender la revolución cubana. Que venimos a defender la revolución cubana. Porque es hermosa mela de la lucha americana. Porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Yanquis no. Yanqui las escuelas se convierten en cuartelas. Con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Yanquis no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Mano dicen que Batista, Mató 20.000 cubanos, mano, dicen que Batista. Mató 20.000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Hausse de la population la plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. Tiens, pourquoi donc? En 2018, les Français ont fait encore moins de bébés. Et le nombre de naissances diminue pour la quatrième année consécutive, une tendance qui ne remet cependant pas en question le renouvellement des générations. Ah bon, hein, bon c'est bien. Mais quand même, s'il y a moins de naissances, vous allez dire, ça a aussi du positif, hein? Voyons voir les choses de façon rationnelle, à la façon des macroniens. Moins de naissances, ça veut dire moins de maternité à ouvrir ou à faire fonctionner, à entretenir, etc. Ensuite, ça veut dire moins d'écoles maternelles. Après, moins de cours préparatoires, moins d'écoles primaires, moins de collèges, moins de lycées. Et puis, progressivement, comme ça, on n'a plus besoin d'entretenir les routes. On n'a plus besoin... Mais c'est formidable, hein, oui. La Terre qui se débarrasserait de l'humanité, mais finalement, c'est peut-être une idée à creuser, qui sait. Eh oui, et comme ça, enfin, l'humanité serait rentable. Hein. Eh oui, et ces gens-là, ils ne parlent que de rentabilité, que de rentabilité. Alors voilà, peut-être qu'il faut qu'on suive leur idée. Il faut qu'il y ait de moins en moins de Français, qu'il y ait de moins en moins de terriens qui perturbent déjà le fonctionnement de la planète. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ben, c'est en partie naturel, mais en grande partie dû aux humains, hein, au pétrole notamment, au charbon et au pétrole. et puis voilà. Hein. Le mois de mars sera celui de l'emploi. Ah, à Épinal, 1er février 2019, Vosges Matin toujours. Vosges Matin, hein, ah oui, la presse locale. Bon, vous me direz, on n'a pas trop le choix, il n'y en a pas d'autres. Épinal social, le mois de mars sera le mois de l'emploi. Festival des métiers, bourse au job d'été, match pour l'emploi, les événements liés au monde du travail vont s'enchaîner à Épinal durant tout le mois de mars. C'est le moment de préparer son curriculum vitae. Ah, alors là, c'est bien parce qu'on peut en prendre les langues en lisant un journal régional. Hein. Eh oui, un match pour l'emploi. Hein. Les jobs d'été et puis le curriculum vitae, hein, on apprend l'anglais, on apprend le latin, mais c'est formidable, hein. La science et la culture, comme disait Jean-Yann, ça fait du bien. Par où que ça passe? Gilets jaunes, ni à gauche ni à droite, mais précaires. Oui, c'est une façon de voir, une façon de dire. Parce que s'ils revendiquent vraiment pour améliorer leurs conditions de vie, eh bien, ils sont de gauche. Bah oui, c'est mathématique. Eh oui, les gens de droite sont pour l'amélioration des conditions de vie des gens riches, et les gens de gauche sont partisans, eux, de l'amélioration des conditions de vie des gens les moins riches, ou les plus pauvres de la société. Hein, gauche, droite, choisis ton camp, camarade. Alors, gilet jaune, ni à gauche, ni à droite. Ben, s'il faudra choisir quand même un jour. 5 chercheurs de Sciences Po, Grenoble et du laboratoire PACT ont cherché à répondre à la question « Qui sont les gilets jaunes ?» Voilà. Alors, transport à côté, tiens, nouvelle panne à la gare de Montparnasse à Paris. C'est la troisième panne en moins d'un an. Jeudi, un incident électrique survenu à 8h45 en gare de Paris-Montparnasse a entraîné une interruption des circulations sur 2 voies. Voilà. Environnement, les fast-food sommés de trier leurs déchets. Fast food, was ist das? Fast food. Ist das ein deutsches Wort? sais pas. Grand débat. Les Gilets jaunes lancent un site concurrent. D'un côté, grand débat lancé par le gouvernement. De l'autre, le vrai débat. Ah, le vrai débat. Ça va mieux. Ça me convient mieux, ça, le vrai débat, tiens. Revendiqué par un groupe de Gilets jaunes, ils ont mis en ligne mercredi une plateforme participative concurrente. Les Français ont donc le choix entre deux sites internet pour soumettre leurs contributions. Le site officiel, entre guillemets officiel, en a recueilli plus de 500 000 en 15 jours, selon Sébastien Lecornu, un des deux ministres chargés de l'animer, tandis que Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, a jeté l'éponge et critiqué une opération de communication. Opération de communication, ben oui. Vous croyez que les questions qui ont été envoyées, elles vont toutes être lues, et vont toutes être commentées, on va essayer d'apporter une réponse, mais non, tout ça, ça va être mis dans les archives, au fond du grenier là-bas, et puis Macron il dira, ben je vous ai compris, oui, oui. Mais je ferai quand même comme j'avais envie de faire, voilà. Hein. Donc on a perdu 6 mois. Voilà, les gens, ils ne veulent pas des débats, ils ne veulent pas un grand débat, les gens, ils veulent des résultats. Voilà, les gens qui ne gagnent pas assez pour vivre normalement, ils veulent gagner normalement leur vie. Ceux qui sont au chômage veulent du travail. Voilà, le reste, c'est du baratin. Le reste, c'est pour nous amuser, pour nous occuper. 1948. Cette année-là restera gravée dans la mémoire des Palestiniens et des Israéliens. Pour les uns, la catastrophe, pour les autres, la libération. Ben Gourion sait que le vote des Nations Unies n'est pour le moment qu'un morceau de papier. Il achète des armes en Tchécoslovaquie et décrète la mobilisation générale. Avant le départ des Anglais, il veut contrôler les régions arabes du territoire, élargir les frontières de l'État juif, attaquer plutôt que se défendre. Well, I think there are two chapters which stand out particularly as worse than others, although all of them are not very sympathetic. One is in April 1948, that is a month before the British leave, and actually a month, and it's important to understand, a month before the Arab armies enter Palestine. So this whole myth that some more critical Israeli historians put forward, that there were expulsions, but they were a response to an Arab military invasion, are not true, because the worst kind of ethnic cleansing took place a month before the Arab. La question est de savoir si les Palestiniens, les 800 000 Palestiniens qui ont fui volontairement, où ont été expulsés, est évidemment, pour la question du droit au retour, un problème décisif. Donc, si vous voulez, il y a 50, 60 ans maintenant de manipulation autour de cette question. Et ce qui est important, et c'est pour ça que je fais ce livre, c'est qu'avec les nouveaux historiens israéliens, arrive une version de l'histoire qui était connue. C'était celle des Palestiniens et des historiens arabes. Dès les années 60, Walid Khalidi, par exemple, qui expose ce plan d'expulsion. Mais là, on a toute une palanquée de preuves qui sortent non pas de l'imagination de tel ou tel, mais des archives de l'État d'Israël lui-même, de son gouvernement, de son armée, des journaux des dirigeants israéliens de l'époque, des dirigeants sionistes de l'époque. Donc on a une masse de preuves tout à fait considérable. Et c'est un choc. Parce que, pour la plupart des Israéliens, ce qu'ils avaient appris de cette histoire, c'est que les Juifs avaient accepté le partage, les Arabes l'avaient refusé, et ils avaient fui. Et donc, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que les Arabes avaient refusé le partage, pour des raisons qu'on peut imaginer sans mal, que les dirigeants sionistes avaient accepté, mais dans l'espoir qu'une guerre leur permette d'obtenir plus, faire plus de territoire et avec moins de Palestiniens dedans, et surtout que cette expulsion massive était démontré. Alors ça, c'était un choc. Nous n'avions pas de carte avec nous. Alors comme j'étais un gros fumeur, j'ai ouvert un paquet de cigarettes et le plan d'attaque a été dessiné par Moshe Dayan sur ce paquet. L'idée de base était une attaque sur trois axes en direction de Suez. Le plan prévoit d'attaquer Gaza pour briser les Fedayin, d'ouvrir la route de Tirane et de prendre la passe de Mitla pour ouvrir la route du canal. Juin 1967. La matinée commence comme n'importe quelle matinée au Caire. À quelques centaines de kilomètres de là, l'armée de l'air israélienne met en œuvre un plan peaufiné depuis des années. À la première heure, presque toute l'aviation israélienne décolle pour une attaque surprise. Cette attaque israélienne contre l'Égypte mènera à une guerre qui impliquera également la Jordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban. Suite à cette guerre, Israël s'accapare le Sinaï égyptien, le Golan syrien, les fermes de Sheba libanaise, la Cisjordanie, Jérusalem-Est inclus et la bande de Gaza. octobre 1973, 14h. Les armées du président égyptien Anwar el Sadat se lancent à la reconquête du Sinaï, perdu 6 ans plus tôt. De leur côté, les troupes syriennes déferlent sur le plateau du Golan. Le Le 6 juin 82, c'est le début donc de l'opération israélienne appelée Paix en Galilée. L'objectif officiel d'Israël est de repousser 40 km au nord les Palestiniens qui bombardaient le nord de la Galilée. Mais en fait, après de violents combats, les Israéliens seront amenés à dépasser largement les objectifs initiaux et arriveront même à enfermer dans Beyrouth Ouest les forces palestino-progressistes. Après de violents combats, après des bombardements terribles de la capitale libanaise qui vont faire des milliers de morts, surtout parmi la population civile, ce sera le cessez-le-feu, l'arrivée de la force multinationale d'interposition, le départ effectif des Palestiniens, l'élection de Béchir Gemayel et puis l'assassinat que l'on sait. L'intifada, la guerre des pierres, cet affrontement dans les territoires occupés par Israël. La situation est si mauvaise que nous sommes prêts à nous sacrifier nous-mêmes et nos enfants. Nous n'avons rien à perdre. Si l'intifada ne marche pas, eh bien, nous pouvons mourir. Je pense que l'acte qu'a commis M. Ariel Sharon en se rendant sur l'esplanade des mosquées était un acte provocateur et qui, compte tenu de tous les symboles qui s'attachent à la question de Jérusalem, qui est d'ailleurs l'objet de discussions dans le cadre du processus de paix, il y avait tout risque que cela provoque des réactions en chaîne explosives. It's Israel that's invading Lebanon. It's Israel that's attacking Lebanon, not Lebanon that's attacking Israel. Israel was forced out of most of the south of Lebanon in 2000. It still occupies a part of Lebanon since 2000. The Sheba Farms area, which is subject to this latest UN draft resolution. Thousands of Lebanese prisoners have been kidnapped by Israel. I'm talking about the thousands of prisoners taken during the 18 years of Israeli occupation, illegal occupation of South Lebanon. These are the prisoners that have to be released in exchange for the Israeli soldiers that were captured at the beginning of this wave of the crisis. During this war, the Israeli propaganda machine has been at full throttle, churning out lie after lie after lie. The first big lie is that this war is intended, is a defensive war to protect Israeli civilians against Qassam rocket attacks. But Israel is not a victim. Israel is the offender in this conflict. 18 months ago, Israel imposed a cruel blockade of Gaza. The big lie is that Hamas broke the ceasefire. This is the exact opposite of the truth. It was broken after 4 months, not by Hamas, but by the Israeli army. Let's be absolutely clear about what happened. Firstly, this whole idea that Gaza, that Hamas broke the ceasefire, is just not true. In fact, it was broken after, in October, Israel killed 15 Palestinian fighters. They shot dead a mentally disabled Palestinian. They killed another 13-year-old in an intrusion. And when there was an attempt to actually get a ceasefire, negotiations were ongoing. That is when they assassinated Ahmed Jabari, actually completely ending those ceasefire talks. Now, it's often said, and Barack Obama made this point, he said, what country on earth would tolerate rockets being fired at them? I ask you this, what people on earth would tolerate a siege which stops basic supplies getting in, an occupation, a 45-year-old occupation, a brutal occupation at that, illegal settlements all over the West Bank, which are in total violation of international law. Nous avons eu, après l'échec des négociations, la constitution d'un gouvernement d'union nationale. avec Mahmoud Abbas pour l'autorité palestinienne, incluant le Hamas, d'accord, et prévoyant de ramener Gaza au sein de la Palestine, puisque Gaza est exclue et complètement mise à l'écart. À partir de ce moment-là, qu'a dit le gouvernement de Netanyahou ? Il a dit qu'il ne l'acceptait pas, alors que les États-Unis et l'Union européenne ont accepté le gouvernement d'Union nationale. Et il a dit qu'il attaquerait le Hamas. Il y a eu le premier prétexte a été la capture de trois colons que le Hamas n'a jamais revendiqué. Et si ça se trouve, il n'a rien à voir avec cette affaire. Beaucoup de gens le disent aujourd'hui. Et à partir de là, on a la décision d'éradication. La paix en question pour l'indépendance de la France. L'armée française est engagée dans un nombre sans précédent de conflits armés. Comment sortir de la logique de guerre ? Comment restaurer l'indépendance de la France pour préparer la paix ? Nous ne devons plus être à la remorque des folies impériales des États-Unis et de leur outil de tutelle militaire, l'OTAN. Nous sommes une nation universaliste. Notre vocation est à l'ONU et dans la coopération privilégiée avec les pays émergents. Notre ancrage est en Méditerranée et avec les peuples francophones du continent africain, là où va se façonner l'avenir. Au lieu de quoi, nous sommes en guerre avec des buts imprécis et des alliances malsaines. Mais qui s'occupe de préparer la paix plutôt que la guerre généralisée? Nous. Jean-Luc Mélenchon. 54. Instaurer l'indépendance de la France dans le monde. Les quinquennats Sarkozy et Hollande ont enfermé la France dans l'OTAN et l'ont privée d'une voix indépendante et originale. Pour promouvoir la paix et la coopération, retrouver l'indépendance est une nécessité absolue. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Refuser la logique du choc des civilisations. Sortir de l'OTAN et refuser la participation de la France à toute alliance militaire permanente, à l'exception des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Stopper l'érosion du réseau diplomatique français et sa mise sous tutelle par l'UE. Sortir du FMI et de la Banque mondiale pour œuvrer à la création d'un fonds d'urgence sociale et d'une banque solidaire d'investissement. Offrir l'asile aux combattants de la liberté, c'est-à-dire toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, dans l'esprit du préambule de la Constitution de 1946. Edward Snowden et Julian Assange seront récompensés et accueillis en France. Engager la formation d'une nouvelle alliance altermondialiste. 55. Reconstruire une défense indépendante, nationale et populaire. L'OTAN, construite par et pour les États-Unis pendant la guerre froide, n'a plus lieu d'être. Son ennemi soviétique a disparu. Cette organisation ne sert plus qu'à embrigader les pays européens derrière les États-Unis. Mais nous n'avons pas les mêmes principes ni les mêmes objectifs. La France peut et doit se défendre elle-même pour pouvoir agir librement. Pour cela, la défense doit retrouver un lien avec la nation tout entière, rompue depuis la fin de la conscription. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Rédiger un nouveau livre blanc et adopter une nouvelle loi de programmation militaire ayant pour objectif la restauration pleine et entière de l'indépendance militaire. Stopper les programmes de privatisation des industries d'armement et des missions de défense nationale et engager leur reconquête publique. Établir la règle de l'acquisition de matériel militaire français par l'armée, armement et fournitures. Ouvrir la possibilité d'effectuer son service citoyen obligatoire sous la forme d'un service militaire. 56. Renforcer et réinvestir l'ONU pour faire vivre un monde ordonné. La France n'a pas à être le gendarme du monde. Le seul organe légitime pour assurer la sécurité collective est l'Organisation des Nations Unies. La France doit proposer le retour en force de cette institution face aux déséquilibres et menaces pour la stabilité et la paix. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Réaffirmer que l'ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective aux yeux de la France. Refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. Faire vivre le comité d'état-major de l'ONU pour commander les opérations de maintien de la paix et enclencher un processus de démocratisation de l'organisation. Créer une organisation mondiale de l'environnement dans le cadre de l'ONU. Réformer la FAO, organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, pour favoriser la souveraineté alimentaire, la régulation des marchés mondiaux et la conversion écologique de l'agriculture. 57. Refuser le libre-échange, instaurer un protectionnisme solidaire et la coopération économique. La mondialisation est d'abord la globalisation de l'argent et le déménagement du monde pour le seul profit des multinationales. Dans les pays développés, c'est la désindustrialisation et le chômage. Dans les pays en développement, c'est la mainmise des grandes firmes et des accords commerciaux inégaux qui poussent aux migrations. Le protectionnisme solidaire est nécessaire pour le co-développement et l'avènement du progrès humain partout. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Intégrer le respect des règles fondamentales de l'Organisation internationale du travail dans les accords commerciaux. Sortir de l'Organisation mondiale du commerce et renforcer la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, comme organe légitime pour organiser le commerce mondial en fonction de l'intérêt général des peuples, à la place des G20, G7, FMI et OMC. Soutenir l'adoption à l'ONU d'un cadre réglementaire contraignant les multinationales à respecter un socle de normes sociales et environnementales. 58. Étendre les protections du droit international à de nouveaux domaines. Face au désordre libéral et au changement climatique, la nécessité d'un monde ordonné s'impose. Mais cet ordre international doit être légitime, c'est-à-dire s'inscrire autant que possible dans l'ONU. L'impératif climatique et écologique doit être reconnu et protégé par le droit international. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Protéger la haute mer de toute appropriation et du productivisme. Construire un statut international pour l'Arctique sur le modèle de l'Antarctique, protégeant de l'appropriation et du productivisme. Faire appliquer le principe de non-privatisation de l'espace prévu dans le traité de l'espace, 1967. Créer un crime international d'écocide, atteinte grave à l'environnement, jugé par un tribunal international de justice écologique ou dans le cadre de la Cour pénale internationale. Créer un tribunal international de justice économique pour juger notamment les crimes financiers transnationaux, évasion fiscale internationale, spéculation, corruption. 59. Lutter contre les causes des migrations. Émigrer est toujours une souffrance pour celui qui part. Les migrations sont un sujet trop sérieux pour les réduire à des surenchères et à des pulsions incontrôlées. La première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi. Pour cela, il faut arrêter les guerres, les accords commerciaux qui détruisent les économies locales et affronter le changement climatique qui sera, sinon, pourvoyeur de centaines de millions de réfugiés climatiques. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Gérer enfin les migrations à l'échelle internationale. Créer une organisation mondiale des migrations liée à l'ONU pour renforcer l'action internationale aujourd'hui réduite au Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et à l'Organisation internationale pour les migrations. Organiser une conférence internationale annuelle sur les migrations sous l'égide de l'ONU, combinant les réponses d'urgence, le soutien aux pays d'accueil, la préparation du retour des réfugiés et l'anticipation des millions de réfugiés climatiques des décennies à venir. Éviter aux migrants de devoir fuir leur pays. Arrêter les guerres par une diplomatie active et indépendante au service de la paix. Mettre fin aux accords commerciaux inégaux qui déstabilisent des pays entiers, détruisent les agricultures locales et empêchent le co-développement. Agir contre le dérèglement climatique par des transferts de technologies et l'aide financière et matérielle à la transition dans les pays les plus vulnérables. En Europe, sortir de l'impasse de Schengen et de Frontex. Renforcer les moyens civils de sauvetage en mer Méditerranée pour éviter les milliers de noyés. Refonder la politique européenne de contrôle des frontières extérieures et refuser la militarisation de la politique de contrôle des flux migratoires. Refuser l'accord visa plus adhésion contre migrants avec la Turquie. Construire un programme pour l'aide au retour des réfugiés qui le souhaitent lorsque la situation de leur pays de départ le permet. Assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés arrivant en Europe. Respecter la dignité humaine des migrants, leur droit fondamental à une vie de famille et accompagner les mineurs isolés. En finir avec le placement en centre de rétention d'enfants, même accompagnés de leurs parents. Construire des camps d'accueil aux normes internationales sur le modèle de celui de Grande-Synthe pour proposer aux migrants des conditions dignes et des centres d'accueil des demandeurs d'asile pour les héberger le temps de l'analyse de leurs demandes. Réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République, accueillir les réfugiés qui en relèvent grâce à une administration adaptée à cette mission. 60. Construire la paix en Syrie. La Syrie est ravagée par 5 ans de guerre. La guerre civile a laissé place à une guerre de mercenaires où les puissances régionales et internationales s'affrontent par groupes interposés. Cela suffit. La France doit changer de stratégie et œuvrer enfin pour l'éradication de Daesh, le retour à la paix, la transition politique et la reconstruction de la Syrie. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Réviser les alliances hypocrites avec les pétromonarchies du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite et le régime turc actuel. Tarir les financements des terroristes. Mettre en place une coalition universelle sous mandat de l'ONU pour éradiquer Daesh et rétablir la paix et la stabilité en Syrie et en Irak, associant les combattants kurdes. Construire une solution politique en Syrie pour une paix durable sous l'égide de l'ONU et reposant sur un cessez-le-feu durable excluant les groupes islamistes, le soutien au processus de Genève en y intégrant les Kurdes de Syrie, l'organisation d'élections libres et pluralistes sans ingérence étrangère sous surveillance de l'ONU pour que le peuple syrien décide souverainement et démocratiquement de ses dirigeants. La garantie de l'intégrité de l'État syrien et de ses frontières. Organiser à Paris une conférence internationale pour la reconstruction de la Syrie et le retour des réfugiés. 61. Agir pour une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Les conditions d'une paix juste et durable au Proche-Orient sont connues. Elles sont inscrites dans les résolutions de l'ONU depuis 1967. Il manque la volonté politique de les faire appliquer. La France doit reconnaître l'État palestinien et prendre une initiative pour la paix entre cet État et Israël. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Reconnaître l'État palestinien. Appuyer la solution à 2 États coexistant pacifiquement par l'application pleine et entière des résolutions de l'ONU. Reconnaissance du droit souverain du peuple palestinien à disposer d'un État viable et indépendant, dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, et dans le respect du principe du droit au retour des réfugiés. 62. Construire des coopérations altermondialistes et internationalistes. Un autre monde est possible, plus juste, plus ordonné, plus écologique et non soumis à la finance. Pour cela, de nouvelles coopérations doivent être engagées et d'autres renforcées. La France doit proposer une nouvelle alliance altermondialiste pour changer le cours du monde. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. En finir avec la France-Afrique. Respecter l'indépendance des États africains et la souveraineté des peuples en s'interdisant de se mêler des élections et en réprimant les corrupteurs. Tenir enfin l'objectif de consacrer 0,7% du revenu national brut au budget de l'aide publique au développement. Relancer la politique de co-développement et de coopération scientifique, universitaire, sanitaire avec les pays en développement, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Adhérer à la Banque de développement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et bâtir une nouvelle alliance altermondialiste avec les BRICS, ouverte à tous et fondée sur l'indépendance de chacun, la coopération et le renforcement de l'ordre international légitime de l'ONU. Soutenir le projet chinois d'une monnaie commune mondiale pour libérer l'économie mondiale de la domination du dollar. Appuyer la mise en œuvre d'un mécanisme de restructuration des dettes souveraines dans le cadre de l'ONU sur la base de la résolution votée en 2015 sur proposition de l'Argentine. Multiplier les coopérations avec les pays émergents pour repousser les frontières de la connaissance et de l'humanité, coopération spatiale, maritime. Instaurer une politique de co-développement avec l'Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. 63. Unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès. Ne nous résignons pas à voir la mer Méditerranée devenir seulement un cloaque ou un cimetière pour migrants. Il y a tant d'intelligence et tant à faire autour d'elle. Reprenons le fil de l'histoire de l'humanité, faisons place à l'intelligence, à la culture, aux coopérations techniques, scientifiques, écologiques. France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Algérie, Maroc, Tunisie et Libye peuvent agir ensemble. La France doit assumer la responsabilité particulière créée par son histoire, sa géographie, sa langue, la richesse et la diversité de son peuple. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Créer une chaîne de télévision méditerranéenne émettant en plusieurs langues et diffusée sur les deux rives de la Méditerranée et sur Internet, sur le modèle de la chaîne franco-allemande Arte. Créer un réseau d'universités méditerranéennes couvrant tous les niveaux de formation d'enseignement supérieur. Organiser un réseau méditerranéen de l'enseignement professionnel. Créer un organisme méditerranéen de sécurité civile pour lutter contre les incendies, pour le secours en mer ou en cas de catastrophe naturelle. Mettre en place une structure commune de lutte contre les pollutions et de gestion de l'écosystème de la mer Méditerranée. 64. Passer à la francophonie politique. La langue française est la troisième langue la plus parlée au monde, mais si peu est fait pour la mettre en valeur, la diffuser, multiplier ses usages et les liens entre ceux qui l'ont en usage commun. C'est un trésor à faire vivre pour un monde meilleur et davantage de mises en commun. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Réorganiser les institutions de la francophonie en agissant pour son recentrage sur la défense, le rayonnement de la langue et son usage commun. Créer une académie et un Erasmus de la francophonie. Renforcer le réseau des instituts Alliance français dans les pays non francophones et planifier les échanges d'étudiants et de lycéens. Renforcer la présence des auteurs francophones ultramarins et étrangers dans les programmes scolaires. Élaborer des contenus éducatifs et des diplômes communs entre pays francophones. Développer au moins une revue scientifique internationale digne de ce nom en français. Défendre l'usage du français dans les institutions internationales, à commencer par l'Union européenne. Renforcer les médias audiovisuels francophones, RFI, France 24 et TV5 Monde, et les mettre en partage avec la communauté francophone.